Qu'est-ce qu'il est bon ce son, le nouveau son de Beyoncé avec Love on Top sur Fun Radio. 6h26, bon réveil tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée hier et une bonne nuit. Alors j'espère qu'il y en a qui n'étaient pas dehors vers 1h du mat, parce que qu'est-ce que c'est tombé. Ouais, ça souffle, rafale de vent. Un truc de dingue, c'est tombé d'une violence et en plus effectivement ouais, avec rafale de vent et tout, c'était assez violent. Si vous étiez sur la route, à mon avis, je pense que ça a dû être rock'n'roll comme on dit. Bon, j'espère que vous avez passé donc une bonne nuit, une bonne soirée hier. On attend Vince avec impatience, hein, parce que j'ai entendu dire dans son émission qu'il allait passer ce matin. Donc, s'il va réussir à se lever, bah, ça c'est la grosse question. Quoi. Il est debout, il a pas dormi quoi. Il communique sur Twitter, donc j'ai entendu dire qu'il serait là jusqu'à 5h30, puis après qu'il reviendrait prendre l'émission. Bon, bref. Est-ce que des paroles en l'air ou pas, je ne sais pas. Déjà à 5h30, il n'y avait personne. Hein, bah voilà, c'est ça. Donc bon, encore une fois, peut-on avoir confiance en Vince? La question que je lance, je ne sais pas. Nous verrons en tout cas. J'espère une petite visite avant 9h30, ce serait sympathique de sa part, avec évidemment. Avec les croissants surtout, parce que sinon c'est pas la peine. Ah oui, oui, bien sûr, évidemment. Donc Julie, tu veux un chocolat ou... Bah écoute, non, rien de tout ça, pitié. Non. Arrêtez de m'engraisser. Ça fait longtemps en plus qu'on a plus pris le petit déj. Là, en plus c'est Vince qui paye. Ça remonte à hier. Ouais, mais hier je me suis encore tapé un bon cheese bacon. Bon, écoute, alors moi un petit croissant, c'est très bien. Une petite coco beurre, tiens, voilà, t'es top. Coco beurre et gros raisin, ouais, moi je suis d'accord. Quelle horreur. Et l'homme, un petit truc aussi, tant qu'à faire, tant qu'on est dans la commande. Une petite bière, qu'est-ce qu'on fait de mieux à 6h30 que de commander une petite bière, évidemment. Bienvenue sur Pochetron FM. Bon, voilà, donc ce matin, nous sommes évidemment en direct, évidemment, jusqu'à 9h30. C'était le warm-up à l'instant. Et puis, pas mal de choses ce matin, la ligne anti-relou, comme d'habitude. Nous rembourserons vos factures également. Ce sera tout à l'heure au 63-22, en débutant le message par facture, avec le montant et l'objet de la facture. On appellera ça, bien sûr, sans problème. Qu'est-ce qu'il y a également qu'il y aura. Oui, on va faire chier du monde avec toi aussi. On va appeler qui? On va appeler des gens pour leur annoncer que ce sont des pervers. D'accord, ok, très bien. Bah écoute, pourquoi pas, hein, tu peux t'appeler toi déjà en premier. Écoute, il faut pas te l'annoncer. Voilà, moi je le sais, donc c'est pas la peine. Mais en fait, faut que je vous parle d'un truc, mais c'est assez surréaliste. On en parlera dans quelques instants. Et puis également, cette info est vraie, hein, existe vraiment. On en parlera tout à l'heure. Alors, on en parlera tout à l'heure, effectivement. Et puis il y aura aussi les billets d'avion qu'on vous offre ce matin. Des billets d'avion avec pas mal de choses à vous faire gagner. Donc, billets d'avion et puis les devinettes qui collent. Tiens, sinon, message qui est arrivé. Yo, Mickaël, elles sont pourries tes likes. Dis merci à Vince. Oui, c'est des chaussures que je n'ai plus depuis 1932, mais sinon, il n'y a pas de problème. S'il n'y a que là-dessus qu'il peut attaquer sur des vieux dos, pas de problème, qu'il fasse. Oh, mais qu'il vienne, moi je l'adore, je le vois jamais puisqu'on peut pas se croiser, évidemment. Qu'il vienne nous faire un bisou. Mais c'est qu'il en kiffe sur Vince. Ouais, c'est ça. Non, pas du après tout, tout ce que j'ai fait pour toi, c'est lui que tu préfères. T'es dégueulasse, franchement. Non, mais c'est si jamais Inix nous écoute, tu vois. Tu peux pas. Je suis déjà en train de retourner ma veste, voilà, c'est tout. Toi, tu peux pas, il est black. Tu peux pas y aller. C'est pas grave, j'en ai une plus grosse que lui. Ouais, c'est ça. Bon, allez, la petite devinette qui colle maintenant, c'est pour repartir avec vos billets d'avion. Si vous avez la réponse, écoutez bien. Alors, attendez, hop là, ouais, est-ce qu'elle est là? Elle est là. À peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Hier, c'était simplement demain. Qui est-il? Bon, un jeu d'enfant, hein. C'est des billets d'avion qui sont à gagner ce matin. Je répète, à peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Et hier, c'était simplement demain. Qui est-il? 63-22, c'est un euro le message. Ou pour nos amis Lulu également, 621-783-605. Non, 621-783-605. Le numéro est un petit peu plus long pour un pays plus petit, mais que voulez-vous que j'y fasse? Dans un instant, c'est l'info qui arrive sur Fun Radio. Et il y aura également le son de Licky Lee, ce sera I Follow River sur Fun. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Exactement, oui. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vendredi le 9 décembre et il est 6h30, on est déjà en retard. C'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous. Le sommet européen se termine sur fond de rumeurs d'échec après avoir engrangé en début de soirée un préaccord sur le renforcement de la discipline budgétaire exigée par l'Allemagne. Les 27 ne semblent pas avoir réussi à se mettre d'accord sur les moyens d'y parvenir. Il semblerait qu'un traité à 27 Brexit soit impossible en raison de conditions posées par le Royaume-Uni. La piste d'un traité limité aux 17 pays membres de la zone euro serait donc envisagée, mais elle pose des obstacles politiques et juridiques très importants. Hier soir, au quartier Matongé à Bruxelles, de nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées et la police a procédé à 5 arrestations administratives. La publication des résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière en République démocratique du Congo a été reportée à aujourd'hui. Les 3 chirurgiens de l'hôpital universitaire des enfants Reine Fabiola ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des opérations inutiles pratiquées sur de jeunes patients. Ils écopent respectivement de 10, 8 et 6 mois de prison avec sursis. Ils étaient prévenus de coups et blessures volontaires sur mineurs, mais aussi de faux et usage de faux. Il était reproché aux 3 chirurgiens d'avoir opéré inutilement certains enfants pour malrotation, une anomalie dans le développement des intestins entre 1998 et 2001. Nouvelle grille de tarifs à la STIB. Le gouvernement bruxellois s'est mis d'accord sur cette nouvelle grille appelée à entrer en vigueur en février prochain. Eh bien, mauvaise nouvelle pour les moins de 25 ans, le tarif préférentiel disparaît pour les jeunes. La mer du Nord n'a jamais été aussi chaude. Dans cette saison, la température de l'eau à la surface a atteint en 2011 l'un des plus hauts niveaux depuis la création des mesures des températures en 1969. Avec 11 degrés, la température de l'eau était supérieure de 1,4 degrés que la moyenne annuelle. Le rayonnement intensif du soleil et les vents doux venant du sud expliquent ce phénomène. À l'étranger, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur le tristement célèbre campus de Virginia Tech aux États-Unis. Elle a fait 2 morts, dont un policier. Le suspect est en fuite. Le 16 avril 2007, sur ce même campus, un étudiant de 23 ans avait tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort. Et puis enfin, en sport, tennis au Diamond Games à Anvers, Kim Clijsters, 13e au classement WTA, s'est imposée en 2-7, 6-2, 7-6 face à la numéro 1 mondiale, la Danoise Caroline Wozniacki, en match d'exhibition. Il est 6h34 sur Fun Radio, c'est la météo. Le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies localement larges. Quelques ondées éclateront par endroits, mais les périodes de sec l'emporteront largement. C'est la bonne nouvelle. Températures plafonneront jusqu'à 11 degrés, mais bon, ça caille quand même. Hein. Ouais, grave. Demain, éclaircies, quelques averses locales, et puis ça caille toujours. Oui, c'est ça. Voilà, effectivement, il fait froid. Il est 6h35 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rappelle la devinette qui colle pour repartir avec vos billets d'avion pour quitter justement ce froid et ce temps maussade. On écoutera Likili aussi dans un instant. Et quelle est l'info en plus? Alors, je ne sais pas si tu es fan de robes à corsets, de chapeaux, de bottes, chaussures diverses, de pantalons griffés, de tenues en velours. Enfin bon, en tout cas, non, pas, tout ce pas que des masses. Tu peux porter sur la scène d'un théâtre. Ah ouais, bon, d'accord. Bon, ben, ça ne te concerne pas trop, mais en tout cas, il y a 3000 costumes de théâtre qui sont mis en vente à Bruxelles. Ça se passe le 17 novembre à la Monnaie, donc de ça devrait attirer quand même une centaine de fashionistas et amateurs de théâtre du monde entier. Et donc c'est un déstockage massif en fait hein, de, ah ouais. De toutes les tenues de théâtre bah, que tu peux retrouver sur scène quoi. Donc de 2500 à 3000 pièces sont mises en vente et ça pourrait rapporter quand même 20 000 euros au théâtre de la Monnaie. Donc, oh bah ça va, voilà, donc, c'est bien. Pourquoi pas, donc il y aura carrément des... Ce serait bien que t'ailles chercher des trucs, tu arrives comme ça habillé en... Eh ben moi j'adore ce genre de tenue. Classe, théâtre et tu tout. Vois... Et bonjour, je viens faire l'information. Bonjour. Les tenues du roi, tu vois, le roi soleil, ah, etc. Ça ouais, ça j'aimerais. Je te verrais bien dedans. Louis XIV, je porterais bien ce genre de tenue. Why ouais. Not, why not. Ça ne pas être donné, hein. c'est une vente aux enchères. Hein, ah bah, si elle a pour 20 000 euros au total, non, effectivement, ça risque de pas être donné, c'est sûr. Il est 6h36 sur Fun Radio, bienvenue, je vous rappelle la devinette qui colle là. Ah bah j'ai vite fait le temps, pas sûr encore que. 63-22 si vous avez la bonne réponse. À peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier, et hier, c'était simplement demain. Qui est-il? C'est un jeu d'enfant, ce n'est pas le présent, mais on s'y approche. 6h38 sur Fun Radio, dans un instant, c'est Cobra Starship avec Sabi qu'on écoutera You Make Me Feel, et nous allons parler maintenant d'Intouchables qui visiblement choque les prudes américains. Eh bien oui, donc ce film Les Intouchables qui a dépassé cette semaine quand même la barre des 12 millions d'entrées, c'est un succès énorme chez nous comme en France. Hein. Bah, à base, le film est français hein, pour ceux qui ne l'auraient pas compris. Ouais. Ah bon? Et bah donc, oui. Ah oui, écoute, oui. Effectivement, il est jugé choquant aux États-Unis. Donc pour vous expliquer, c'est l'histoire, la véritable histoire d'ailleurs, d'un homme qui est handicapé et c'est bah, un black qu'il prend en charge et qui va un peu le bousculer parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes valeurs. Hein. L'handicapé ouais. est bourré de thunes et bon, le black pas trop. Et donc il va lui montrer un peu ce que c'est la vraie vie, quoi. Et donc forcément, il passe un très bon moment parce que ça le change des gens très coincés avec qui il traîne en général. Et donc, selon Variety, donc un magazine américain, Intouchable a mis mal à l'aise bon nombre de spectateurs américains, ouais. Notamment à cause du rôle d'Omar, justement, celui qui joue l'aide de l'handicapé. Et ça se rapproche, selon eux, un peu trop du cliché de l'esclave, qui amuse son maître tout en représentant tous les stéréotypes de classe et de race. Et qu'ils se font chier, je veux toujours qu'ils aillent chercher dans des détails. Parce que c'est un black, ça aurait été un arabe ou un autre type de minorité, ça serait vachement mieux passé chez eux. Je pense, oui, parce qu'ils disent que ça met en avant, un racisme digne de l'oncle Tom. Et alors ils espèrent que ça a quand même définitivement, ils affirment que ça a définitivement disparu des écrans américains. Et donc voilà, c'est quand même assez, je trouve ça assez dingue que les Américains soient choqués, alors que bon, c'est un film rigolo, c'est une histoire vraie déjà, donc c'est pas comme si vous les avez voulu mettre on va mettre un étranger parce que ça fera plus. Ouais, c'est ça, ce sera mieux. Donc c'est une histoire vraie, mais je pense que à la base. Je crois qu'il est marocain à la base. Le marocain donc que joue Omar Sy au final, il dit que en fait il est encore plus déjanté que ce qu'il montre dans le film. J'imagine qu'ils sont frais les minimum. On aurait pu croire. Ils ont craché, qu'ils ont craché 5 voitures. Le mec, il a jamais eu du temps, tout le temps où il a travaillé donc avec le vrai mec, le vrai handicapé, il n'a jamais eu son permis. Ont craché, je crois, 5 voitures, mais genre, tu vois, des Lamborghini, des Maserati. Dites-nous si vous avez vu le film Intouchable, justement, vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je vais le voir ce soir, Très bien, on en parlera lundi, Dites-nous ce que vous en avez pensé, donc 3044 par SMS, ou alors sur le Twitter, par exemple, on est plus de 4000, là, ça fait plaisir. Vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Dans un instant, Cobra Starship, avec You Make Me Feel. Il y aura aussi la ligne anti-relou dans un instant, on parlera de l'infotrafic et un petit rappel de la devinette qui colle, c'est pour repartir avec vos billets d'avion ce matin, il est 6h41. Ne bougez pas, Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Et on va faire un tour du côté de l'infotrafic maintenant à 6h45. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Alors, suite à l'accident de roulage, forcément, à hauteur de la BK42 Saint-Sauveur. Alors, je ne sais pas où c'est, mais en tout cas, c'est comme ça. Donc, c'est la N60. La circulation s'effectue de manière alternée sur une seule bande en direction de Renais. Donc, grosse file à cet endroit. Objet encombrant sur le 40 Ostende en direction de Bruxelles, à hauteur de Drongel au kilomètre 53.4. Accident sur la 602 Chenet en direction de Loncin à hauteur de Anse. C'est la bande de gauche qui est obstruée au kilomètre 3.3. Très bien, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, vous le dites évidemment comme d'habitude. Vous nous envoyez un petit message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors gratuit sur le mail mikl@funradio.be. 6h45, je vous rappelle la devinette qui colle avant d'appeler avec Toff là pour faire chier du monde. À peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Hier, c'était simplement demain. Entre hier et demain, qu'y a-t-il? Voilà, pas très compliqué dans l'absolu. Il y a des billets d'avion à gagner. Vous envoyez votre réponse au 6322. C'est 1€ le message. Bonne chance. Puis à 6h46, on écoute les Cobra Starship maintenant avec Sabi. C'est You Make Me Feel. Bonne matinée avec nous. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio. 7h, 8h et 9h moins quart avec les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou, justement. Numéro qui est fait pour vous, qui est fait simplement pour vous aider à vous débarrasser de tous les relous que vous pouvez croiser en Belgique. Et la règle est relativement simple. Retenez ce numéro, donnez-le au relou comme si c'était votre numéro de manière la plus naturelle possible. 0-473-86-00-13. En plus, à l'approche du week-end, je pense qu'il va bien servir. Je pense qu'il va vraiment bien servir. Donc voilà, 0-473-86-00-13. On écoute maintenant le premier message. Salut, c'est moi, Richard. Voilà, ça fait 8 mois que tu travailles près de moi. Et je n'ose pas te le dire. Ben voilà, j'ai un compliment pour toi. Et j'ai eu ton numéro par un collègue à l'usine. Ben voilà, j'espère que tu me ressembleras. Allez, gros bisous. Oh, bah en fait, la fille, ça se trouve, ça va être le grand amour. Hein, parce que là, il a eu le numéro par son collègue. Donc, c'est son collègue, c'est plus que sa tronche. Ouais, c'est pas trop cool. Merci, c'est drôle. Ah, bah oui, ça, c'est bien toujours, ça aussi. Il y a que ça de vrai. Bah ouais, mais c'est ça qui est drôle. Voilà, surtout si l'ami, il écoute ce matin, il dit ah, quel bouffon. C'est ça, quoi. Ah, là, il a appelé en le nul. Voilà, bon, 0-473-86-00-13. Deuxième message. Ouais, je cuisine, c'est un kill. Tiens, on se guillait, rappelle-moi, envie de te casser tes hanches, tu vas te baisser, boiter, c'est pas voir. Arrête, ciao, tu me rappelles. Oh là là, ouais, je vais te casser tes hanches, je vais te déboîter. Ouais, voilà, on n'avait pas compris grand chose. Ah mais bah voilà, c'est ça. Non, mais surtout, c'est le wesh cousine. Hein, non, tu vois, malade, tu vois, rappelle-moi, tu vois ce que je veux dire. Ah ouais, c'est toi, c'est le wesh cousine qui t'a le plus choqué. Non, c'est pas ça. Hein. Non, mais c'est déjà l'introduction, quoi. Tu vois, dès l'introduction, si t'es pas attiré un minimum. Ouais. Tu vois, tu t'as pas envie d'aller plus loin. Déjà, si on avait été attiré un minimum dès le départ, bah, ce serait vite écroulé. Quoi, c'est en fait. Pas faux, c'est pas faux. Gilles, allez. Je vais te casser les hanches. Troisième et dernier message pour ce matin, en tout cas, enfin pour ce tour-ci. Stéphanie ? Bon, mais est-ce que je vais chez Stéphanie ? Steph ? Stéphanie ! Oh merde. C'est très dur. Toi aussi, appelle dans le répondeur pour voir s'il y a quelqu'un. Bah oui, mais comme je disais hier, hein, c'est peut-être les mecs qui pensent encore que quand tu ne décroches pas, que tu tombes sur le répondeur, si tu parles, bah, la personne entend et se dit bon, allez, je vais décrocher. C'est comme à l'époque, t'es avec les vieux répondeurs à cassette. Non, c'est fini ça maintenant. C'est sur un ordinateur, on peut plus entendre quand vous laissez un message. Il est 6h50, le retour de la ligne anti-relou, c'est tout à l'heure. Et je vous rappelle la devinette qui colle. Et franchement, je m'attendais vraiment à ce que vous trouviez facilement cette devinette. Vous êtes deux à avoir trouvé pour l'instant. Donc on fera un tirage au sort parmi les deux, s'il n'y en a pas plus. Imagine. Une chance sur deux. Ça tient à rien pour les billets d'avion. Qui a la bonne réponse, il va se dire putain. Ouais, c'est ça. Bon, après, il n'y en aura peut-être plus. Je vous le rappelle, la petite devinette qui colle. À peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Hier, c'était simplement demain. Qu'y a-t-il entre hier et demain ? 63-22, si vous avez la bonne réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme indice ? Il faudrait regarder sur une carte. Ouais, c'est vrai. Entre hier et demain. Oui, merci, Tafa. Donc, un autre indice ou tout est dit ? Parce que je pense que tout est dit là. Je pense pas que ce soit très compliqué, quoi. Bon, on propose encore le jour. Non, c'est pas le jour. C'est pas le présent. C'est pas la nuit. Non, c'est Vandar. Oui, voilà, c'est ça. Ce n'est pas le temps. Je propose que dès le départ, on donne directement les réponses parce que ça ne sert plus à rien. Mais non. Mais bon, après, tout le monde ne parle pas néerlandais, Julie, quand même. Ah, pardon. Voilà. Pardon. Excuse-moi. Today. Voilà, bon, et tout le monde ne parle pas anglais non plus. Bon, la bonne réponse au 63-22. Bonne chance, tout le monde. De 6h52 sur Fun Radio, c'est Kay de Luna qu'on écoute maintenant avec Fat Man Scoop, Drop It Low. Kay de Luna sur Fun Radio et Jay-Z arrive dans un instant. C'est quoi la fréquence à Bruxelles? Bah c'est 104.7 pour nous écouter, mais enfin si tu demandes la fréquence, c'est que techniquement tu l'as pas, donc techniquement tu pourras pas m'entendre, donc c'est un peu emmerdant. Et vu que je peux pas répondre à ton message, j'ai l'air quand même bien bête pour le coup. Bon, tant pis hein. Bon alors, devinez qui colle avant de faire les appels dans un instant avec Toff. Alors, à peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Hier, c'était simplement demain. Qui est-il? Voilà, en portugais, c'est Oj. Et alors, Toff? Et donc, j'ai appris l'arabe en 30 secondes. Et donc, ça se dit Aliaoum. Aliaoum, voilà, c'est ça. Donc, c'est là, il faut trouver la réponse. J'ai pris l'arabe facile. Hein, donc, voilà, vous gagnerez vos billets d'avion. Peut-être pour aller aller au Maroc, pour apprendre mieux que Toff, par exemple. Bon, allez, 63-22 si vous avez la bonne réponse. Ou pour nos amis Lulu, c'est au 621-783-605 pour vous inscrire et jouer avec nous. N'hésitez pas. Bon, Toff, on va faire chier du monde ce matin. Donc, t'es tombé sur une info surréaliste, paraît-il. Oui, bah en fait, je suis tombé. Ça m'a plus fait rire que surréaliste, mais en fait c'est un site qui s'appelle SOS Pervers. Ah bah tiens. Ouais. Donc ça te va bien. Ah ouais, ça lui va comme un gant. Bah, c'est pour ça, c'est quand j'ai vu SOS Pervers et tout, j'ai cliqué, je me suis dit c'est un truc entre pervers, on se donne des conseils et tout. Oh. Mais, et en fait pas du tout, j'étais très déçu. Ah bon, c'est quoi alors? C'est en fait c'est le Facebook des pervers, c'est-à-dire qu'en gros si tu connais un pervers, tu vas sur le site et tu remplis un questionnaire, ça prend environ un quart d'heure où tu mets tout ce que fait le pervers que tu connais. D'accord. Et à la fin ça te dit le degré de perversité de ce pervers et si il mérite de rentrer au panthéon des pervers et donc d'être affiché sur le site et que tout le monde sache que c'est un pervers. Ouais, tu vas les détecter ce matin, c'est ça? Et donc ce matin, je vais les appeler pour les prévenir qu'ils ont été détectés. D'accord. Et que leur profil va être public. Bon, eh ben on va appeler à Namur. Eh ben appelons Namur. Ah bah, 107.5 pour écouter Fun Radio à Namur justement là. C'est parti, direction Namur. Oui, allô, bonjour. Oui. Oui, bonjour monsieur. Voilà, le site SOS Pervers à l'appareil. Oh, ça m'intéresse pas, monsieur. Oui, mais je vous appelle parce que votre profil va être publié, hein, parce que vous avez été dénoncé comme pervers. Oh. C'est vous qui êtes pervers à téléphoner à 6h du matin. Bande de con. Oui, monsieur, mais en fait, moi, je vous appelle parce que pour vous prévenir, parce que à partir d'aujourd'hui, le monde entier va savoir que vous êtes un pervers. Oh, bah, ça ne fait rien. Tant mieux. Bande de cons! J'en veux rien, j'en veux rien, j'en veux rien! C'est vous le pervers, bande de con. Que tout le monde le sache. Bon, allez, on rappellera tout à l'heure une autre ville. Oui, nous allons rappeler une autre ville. Bon, allez, on fait comme ça alors. Une très autre bien. Ville, un autre pervers. Mais oui, si vous, d'ailleurs, vous aussi, vous pensez qu'on peut détecter les pervers, que vous connaissez quelqu'un qui est pervers, donnez donnez son numéro de téléphone. Voilà, donnez le loup au 3044. Jay-Z Kenny West maintenant. C'est Why I Love You sur Fun. 6h59 sur Fun Radio. Il y a un message qui dit hello l'équipe, il me faudrait toutes les coordonnées de Toff pour le site des pervers. Je suis sûr qu'il aura la palme en diamant. Big up, c'est Marco Mirko, pardon. Mais il l'a déjà, tu sais. Ah, mais c'est ça, mais c'est lui qui a créé le site. Mais voilà. Voilà, c'est lui le grand patron du site internet, et évidemment. Bon, allez, pas mal de messages. Younes qui dit bonjour à tous et mort de rire. Eh ben écoute, salut à toi, Younes. Et puis bon petit pervers également, c'est un message qui est arrivé au 3044 à l'instant. Dans un instant, je vais justement vous rembourser vos factures, si vous voulez, et bien qu'on vous les rembourse, les factures, 63-22, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Je vous appelle dans moins de 10 minutes pour vous rembourser vos factures avant le week-end, ça peut toujours faire plaisir évidemment. Comme là par exemple, 45€ pour le GSM, qu'est-ce qu'il y a également, 105€ pour une tablette PC, 50€ pour l'eau, 120€ pour des chaussures pour Noël, 100€ également pour 2 mètres cubes de bois, 118€ pour la facture de Beliacom. Bref, si vous voulez qu'on vous appelle dans moins de 10 minutes, vous vous inscrivez au 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture. Bonne chance tout le monde. Et dans un instant, le son des MFAO sur Fun Radio. Sexy and I know it. Et l'info arrive dans 30 secondes. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Et à 7h01, c'est parti maintenant pour l'info, c'est avec Julie. Bonjour à tous, le sommet européen se termine sur un accord après avoir engrangé en début de soirée un pré-accord sur le renforcement de la discipline budgétaire exigée par l'Allemagne. Les 27 ne semblaient pas avoir réussi à se mettre d'accord sur les moyens d'y parvenir. Un traité à 27 était impossible en raison des conditions posées par le Royaume-Uni. Pour finir, emmenés par l'Allemagne, ils ont opté pour la voie d'un renforcement considérable de la discipline budgétaire à 23. Passant notamment par l'interdiction des déficits structurels supérieurs à 0,5% du PIB. Au quartier Matongé à Bruxelles hier soir, deux nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées. La police a procédé à 5 arrestations administratives. La publication des résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière en République démocratique du Congo a été reportée à aujourd'hui. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de bonus salariaux liés aux résultats en 2010, soit un salarié sur 12 en Belgique. Le succès du système est indéniable. Les bonus sont quadruplés en 3 ans, au point d'inquiéter la Cour des comptes qui constate que le recours croissant à ces formes de primes plombe les rentrées de la sécurité sociale et du fisc. L'intérêt du système pour l'employeur, c'est que les bonus n'est pas considéré comme une rémunération. Il est donc exempté des cotisations patronales de sécurité sociale. Et puis intérêt pour le salarié, c'est que le bonus est exonéré d'impôts. La Cour des comptes recommande d'intensifier les contrôles, mais aussi d'adapter la loi qui encadre les bonus afin d'y insérer l'obligation pour l'employeur de fournir dans le plan d'octroi les justificatifs permettant d'établir le caractère incertain des objectifs à atteindre. Les 3 chirurgiens de l'hôpital universitaire des enfants Rennes, famille Ola, ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour des opérations inutiles pratiquées sur de jeunes patients. Ils écopent respectivement de 10, 8 et 6 mois de prison avec sursis. Il était reproché aux 3 chirurgiens d'avoir opéré inutilement certains enfants pour une anomalie dans le développement des intestins entre 1998 et 2001. À l'étranger, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur le tristement célèbre campus de Virginia Tech aux États-Unis. Elle a fait 2 morts dont un policier. Le suspect est en fuite le 16 avril 2007 sur ce même campus. Un étudiant de 23 ans avait déjà tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort. Et puis enfin, en sport tennis, au Diamond Games à Anvers, Kim Clijsters, 13e au classement WTA, s'est imposée en 2-7, 6-2, 7-6 face à la numéro 1 mondiale, la danoise Caroline Wozniacki, en match d'exhibition. Il est 7h03 sur Fun Radio. Il y a un petit message qui est arrivé. Ah, il y a plein de messages qui arrivent par rapport au pervers pour Toff. Donc c'est bien, on a plein de numéros. Merci à vous, c'est cool. On va bien se marrer d'ici 3 quarts d'heure, je pense. 7h04 sur Fun Radio. Dans un instant, on vous rembourse les factures. Je vous explique après la météo comment ça va se passer. Justement, parlons météo. Quel temps pour ce week-end et pour aujourd'hui aussi? Eh bien, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies localement larges. Quelques ondées éclateront par endroits. Température entre 5 et 10 degrés. Ça caille, hein, toujours. Ah ouais. Demain, éclaircies et quelques averses locales quand même. Bon, et c'est deux jours ça de prix. Hein. 7h04 sur Fun Radio. Le remboursement des factures. Eh ben, je vous explique comment ça se passe dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Alors, bon, il y a un message qui est arrivé. Y a, nous avons un clown qui nous écoute également. Accident mortel sur la chaussée de Waterloo à hauteur de Hucle. Je viens d'écraser un chewing-gum. Paix à son âme. La solidarité fun avant tout. Bonne journée. Eh ben, écoute, merci pour ce petit message sympathique. Bon, allez, attention, le remboursement des factures. On va faire ça dans quelques instants. Le temps d'écouter, le temps d'écouter dans un instant le son de LMFO Sexy 908, justement. Donc, dans 3 minutes, on appelle chez vous. Soyez bien là, évidemment. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, il suffit de vous inscrire au 6322. Vous débutez le message par facture. Vous mettez le montant et l'objet de la facture, comme là, cadeau Noël, 60€. Qu'est-ce qu'il y a également? 87€ pour l'entretien de la voiture. Oh bah ça va, c'est pas cher. Hein. 72€ pour l'anniversaire au McDonald's. Ah, c'est sympa ça. Qui a déjà fait un anniversaire au McDo ou au Quick? Alors jamais. Avec Ronald, non? Mais quand t'es petit, c'est un peu ton rêve. Hein. Ah oui, quand t'es petit, c'est génial. Tu vas là avec tes potes et tout, t'es dans les boules, etc. C'est le top. Bon, et qu'est-ce qu'il y a également? Code facture et 60€ pour les immondices. Bon, bref, si vous voulez qu'on vous appelle peut-être d'ici quelques instants, eh bien, vous nous dites tout simplement ce que vous souhaitez, 63, qu'on vous rembourse 63,22. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Quelle est l'info en plus? Alors, très très bonne nouvelle, 3 minutes de sport par semaine, ça suffit pour prévenir le diabète. Eh ben, c'est parfait. Alors, 3 minutes, c'est quand même vraiment pas grand-chose. Ben, franchement, en fait, c'est bien. Ce sont des scientifiques qui ont demandé à des volontaires d'effectuer 2 cycles de sprint de 20 secondes sur des vélos, et ça, 3 fois par semaine. Donc, 2 fois 20 secondes, 3 fois par semaine, ça va. Et après 6 semaines, les chercheurs ont remarqué une amélioration de 28% de leur niveau d'insuline. Alors, je vous rappelle que le diabète de type 2 survient lorsque le taux de sucre s'accumule dans le sang à des niveaux dangereusement élevés parce que la fonction insulinique est réduite. Donc tout ça est un petit peu c'est ça dans le détail. Hein. Ouais, un peu dans le détail, ouais. Bon, en gros, pour, moralité, faites 30 secondes de sport. Oui. 3 minutes. Alors, c'est 3 minutes de sport par semaine et ça peut te prévenir du diabète de type 2, celui qu'on peut avoir le plus facilement. Et je vous rappelle quand même que le diabète peut provoquer des complications potentiellement mortelles, donc au cœur, aux reins, aux yeux, etc. Ouais, donc faites gaffe. Donc ça veut dire que moi, je monte l'escalier plusieurs fois par jour à la radio. C'est bon, alors c'est mon sport. Bah écoute, je pense que ça devrait aller. Ouais. Ah bah c'est génial, parfait, je serai pas diabétique. Merci Julie. Je t'en prie. Si vous voulez des diagnostics, n'hésitez pas. Hein. Comme House, Julie déchire au niveau des diagnostics. Donc si vous avez un petit problème, vous nous dites et puis Julie va vous répondre et va vous dire exactement ce que vous avez. Vous inquiétez pas. Je crois quand même que s'ils ont testé sur des sprints sur un vélo, c'est que ça doit quand même être 3 minutes quand même assez intensive. Je crois que les montées et descendre l'escalier, c'est pas assez intensif. Quand tu fais jamais rien, c'est intensif, hein, monter les escaliers. Non, je pense qu'il faut que ce soit quand même un petit coup. Intense. Un petit coup intense. Ouais. Bon, bah écoute, très bien. Tiens, message qui est arrivé, Mickaël, change de chaussures. Vince nous a tout raconté. Oui, mais Vince est en retard de, oh là, 10 ans à peu près. Hein, donc voilà. Mais enfin, s'il n'a que ça pour me vanner, eh bien, libre à lui. Hein, parce que Vince, dans la Libre Antenne hier soir, m'a vanné à soi-disant que j'ai des chaussures de 1932. Oui, je les avais en 1932, mais depuis, je les ai plus. Donc bon, voilà. Tous les matins. Fun Radio paye vos factures. À 7h10 sur Fun Radio, et ben voilà, ça y est, c'est fait là, on va pouvoir rembourser les factures maintenant. Comme chaque matin, vous connaissez le principe, il suffit de s'inscrire au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et si vous êtes sélectionné, eh bien on vous appelle en direct pour vous rembourser votre facture. Voilà, la règle du jeu est donc relativement simple malgré tout. C'est parti, on y va, on appelle maintenant quelqu'un qui s'est inscrit avec le code facture au 6322. Alors, c'est parti, je compose immédiatement tout de suite. Et je rappelle que pour envoyer le code facture, il ne faut pas envoyer code et puis facture, il faut mettre facture tout seul, en début de message, sinon ça marche moins bien évidemment. Allez. Allô. Bonjour. Oui, bonjour, qui paye les factures le matin? Mickaël. Mais oui. Le connard qui est en écho dans le téléphone. C'est ça, ouais. Comment tu t'appelles? Marie, t'es dans quelle ville, Marie? Marchand-Famène. À Marchand-Famène, très bien. Alors Marie, on va te rembourser une facture pour des médocs, c'est 52,13€, c'est ça? C'est ça. Eh ben écoute, pas de problème. Mais dis donc, la mutuelle, elle rembourse pas les médocs? Si, mais en fait, je suis en dépression, donc je ne rembourse pas tout. Ouais. Je suis traitement contre ma peau. D'accord, ok. Bon, ben comme ça, très bien. On va te rembourser la différence, tiens. Eh ben écoute, pas de problème. Marie, tu vois, tu as joué, tu as gagné. Bravo à toi. 52,13€. On va te faire un petit virement. Hein, pas de problème. On va t'expliquer en antenne comment ça marche. D'accord. Merci beaucoup. Mais je t'en prie. Gros bisous, Marie. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, bon, nous, si on peut aider les gens qui sont en dépression, nous, il n'y a pas de problème. Oui. Hein, regarde, c'était pris au hasard. Hop, hop, hop, tac, tac, tac. Ça y est, c'est plié. Magnifique. Ah oui, mais y a rien de plus que demande sympa. Le peuple. Que demande le peuple en plus. Dans un instant, bah, peut-être d'écouter The Wanted avec Glad You Came. Et puis en attendant, si vous voulez vous inscrire également, on remet le couvert dans une heure, si vous le souhaitez. Comme Marie, si vous voulez qu'on vous rembourse aussi une facture avant le week-end, ça peut être pas mal. Eh bien, vous vous inscrivez 63 22. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, je vous rappellerai une dernière fois la devinette qui colle. On aura l'horoscope de Doudou et le son de The Wanted. Ce sera Glad You Came sur Fun Radio. Bonne matinée. Ne bougez pas. Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. C'est l'horoscope sur Fun Radio, 7h15, 8h15 et 9h15. Et avant l'horoscope, je tiens d'ailleurs à vous rappeler la devinette qui colle pour ce matin. On donnera la réponse dans 5 petites minutes. À peine fini, il se perd dans le passé d'où nul ne revient. Demain, ce ne sera plus qu'hier. Hier, c'était simplement demain. Qui est-il? Ah bah, entre hier et demain, qui a-t-il? Et un indice éventuel, Tof? Bon, t'avais dit. Oui, non, mais je peux plus le redire là, c'est trop dur. Ah, d'accord, mais tu l'avais dit en flamand, tu l'avais dit en anglais, oui, tu l'as dit en portugais. Voilà. Tu l'as dit en marocain. Voilà. Et c'est un moment dans la vie. Oui, c'est, bah oui, qui n'arrive qu'une fois. Enfin, plein non, de fois, mais c'est jamais le même. Qui se renouvelle. Qui se renouvelle, mais qui n'est jamais le même qu'hier, par exemple. Voilà. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22. Non, mais bon, 63-22, il y a des billets d'avion qui sont à gagner. Donc bonne chance, tout le monde. Et puis l'horoscope maintenant. On va commencer par les béliers, Doudou, bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, ça a été hier soir avec les haltères, enfin hier matin plutôt. Ah oh, là, j'ai des coups battus partout. Ah oui, évidemment. Ah, ouais. Bah, c'est comme l'homme, il a des courbatures aussi, la mal. Ah, ouais, je suis tout cassé. Bon, allez, les béliers. Il a essayé de faire du développé, je sais pas à quoi là. Couché. Bah, allez, oui. Les béliers. Il aurait mieux fallu rester couché. Ça, alors, bélier, grâce à votre bonne organisation, vous défendez votre point de vue avec élan et habilité. Tu vois, j'ai une bonne organisation, je dis. Hein. Non, mais c'est incroyable. Je suis un peu bordélique. Mm-hmm. Les taureaux. Soyez vigilants, vous êtes sujet au stress et vous êtes très nerveux en ce moment. Les gémeaux. Poursuivez votre chemin avec détermination et ne vous orientez plus autant. Ne vous arrêtez plus, pardon, autant aux conceptions des autres. Les cancers. Ayez confiance en vous et surtout en votre expérience. Ah, voilà. Donc c'est plutôt positif, ça. Ah oui, mais parfois c'est positif. C'est un conseil. Les lions. Aujourd'hui, ne faites pas des folies professionnelles. Vous risquez de vous brûler les doigts. Les vierges. Ne jouez pas avec les sentiments. Ce n'est pas bien. Non, c'est mal. Les balances. Des mauvaises langues essayent de jeter le discrédit sur vous. Soyez plus vigilants sur le plan professionnel. Ça faisait longtemps, le discrédit. Mais oui, ça faisait longtemps. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, le remets. Les scorpions. Profitez de cette journée harmonieuse. D'accord. Ensuite, il y a les sagittaires. Le soutien de votre famille, de vos amis, vous aide à retrouver votre paix intérieure. Ensuite, les capricornes. Concentrez-vous sur vos tâches et réglez-les consciencieusement. Les Verseaux. Professionnellement, vous êtes souple et créatif et vous serez mis à l'épreuve au travers de challenges inattendus. Les Poissons. Vous pensez trop négativement. Courage, ne vous cassez pas la tête pour des choses qui n'existent pas. On vous retrouve dans une heure, Doudou. Je peux pas partir avant. Non, vous ne pouvez pas partir avant, c'est bon, pas la même chose tous les vendredis quand même. Bah oui, mais enfin, moi, c'est le week-end pour tout le monde. Oui, bah justement, dites-vous qu'il y en a qui termineront leur semaine seulement ce soir, vous imaginez? C'est-à-dire que là, il fait pas encore clair, il faut attendre que toute la journée soit passée. Oui, mais ils sont pas encore au travail, ceux-là. C'est pas faux. Bah, bon, si, allez. Moi. C'est vrai. C'est vrai. Allez, Chris Brown maintenant et Pitbull sur Fun Radio International Love. Dans un instant sur Fun Radio, l'info arrive avec Julie. On écoutera aussi tout à l'heure le nouveau son de Katy Perry. Ce sera The One That Got Away. Et puis la réponse à la devinette qui colle va arriver dans un instant. Mais avant cela, et oui, avant cela, je vous parle d'un dos également. C'est une nouvelle télé-réalité qui va bientôt débarquer en Belgique. Ils sont 7, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais. Et oui, alors je vous fais le topo vite fait. Donc il y a 3 garçons, 4 filles qui sont venus en théorie pour participer à des actions de bénévolat sur une île de Polynésie. Donc Donc déjà, tu vois, c'est sympa. Tu vas en Polynésie, quoi. Hein, Polynésie surtout. Hein, tu vas pas sur l'île de Ré, quoi. Non. Hein, tu vois, c'est quand même vachement plus sympa. Non, mais il faut le dire. Bon, c'est déjà donc, très bien l'île de Ré. Oui, c'est déjà bien, mais par rapport à la Polynésie, oui, il y a quand même une différence. Il y a une différence de climat que je n'arrive pas bien à saisir comme ça. Mais bientôt, il fera aussi chaud ici, tu sais. Oui, c'est vrai. Mais bon, qu'est-ce qu'il va faire là-bas alors? Bon, donc sauf en fait, ils vont vite comprendre que cette île des vérités, justement, va les remettre face à leurs blessures du passé. Alors, dans les candidats, on va revoir Florent de Qui veut épouser mon fils 1. Il y a aussi Mehdi de Pékin Express. Mais comme dans toute bonne télé-réalité, évidemment, il y a une Belge, et oui, Ornella. Et vous allez voir que nous sommes une fois de plus bien représentés. Parce qu'à mon avis, il est jaloux qui part et que c'est pas lui qui part. Et oui. Voilà. Je ramène pour ceux qui n'avaient pas bien compris. Parce qu'à mon avis, il est jaloux qui part et que c'est pas lui qui part. Voilà, il est jaloux qui part et c'est pas lui qui part. C'est un problème de conjugaison. Voilà. Bah, oui, la concordance des temps, c'est vrai. C'est un. Enfin, faire des phrases, quoi, c'est difficile. C'est ça. Donc, on va encore avoir une bonne image de la Belgique. Hein. Donc, bon, on va quand même prendre l'avis de Mehdi. Hein. Vous vous souvenez, Mehdi, donc, qui était dans Pékin Express, qui ne pense que du bien d'Ornella. Ornella, c'est la Belgique ouverte à toutes les frontières, les Schengen, au Wehr, au plein chacha. C'est une belle salope, elle m'a fait un coup. Qu'on m'a pas fait. Ah mais c'est la totale hein, chez lui, Shangang, une belle salope, la Belgique ouverte à tous. C'est-à-dire qu'en fait il a entendu des mots, il s'est dit bon je vais les placer les uns derrière les autres avec un peu de bol, ça fera une phrase, tu vois. Mais bon malheureusement c'est raté. Hein. Et je précise ce n'est pas du montage. Hein, parce non, les gens pourraient croire que t'as remonté. En tout cas, ça ne vient pas de nous. Voilà. Si jamais c'en est. Bon, et évidemment, comme dans toutes les bonnes émissions du genre, on aura évidemment de la bonne comédie. S'il te plaît, peux-tu fermer la porte? S'il te plaît, je m'énerve. Oh, je te jure, je m'énerve. S'il te plaît, je m'énerve. Je viens hystérique, ok? Arrête, dégage. Dégage. Le cours Florent n'a qu'à bien se tenir. J'aime beaucoup le bruit qu'ils ont mis derrière la musique qui monte. C'est très bien fait. Donc voilà, vous voyez, si vous prenez des cours de théâtre, hein, sachez que vous n'êtes pas bon. Hein. Ah, ouais. Ah oui, vous risquez très mauvais même encore. Hein. Je m'énerve. Bon, et forcément, nous aurons également un cours de français gratuit, forcément, comme dans toute bonne télé-réalité qui se respecte. On commence par une petite expression française. Alors, Julie, on dit le loup est dans la... bergerie. Eh ben pas du tout. Et passer la nuit dès que les loups sont, sont rentrés dans... dans la nurserie. Effectivement, il entend des mots et puis il croit les bah ouais. Non, en fait. J'ai cru qu'il allait dire la loutière. Non. Et selon mes indices du Ciné Télé Revue, ça devrait commencer dans pas longtemps sur Plug RTL. Mais on vous en reparlera, ne vous inquiétez pas. Maintenant qu'on a retrouvé quelque chose avec lequel on va pouvoir se marrer, vous allez compter sur nous, on ne va pas le lâcher. Ah, mais ils ont l'air exceptionnels. Ah, ils ont l'air magnifiques. Bon, nous avons Géraldine qui est avec nous. Salut Géraldine. Bonjour Géraldine, comment ça va? Ça va bien. Bon, froidement. Ah oui, froidement, oui, ça t'a remarqué aussi toi. Hein. Bon, toi tu sais ce qu'on dit, hein, le loup est dans la... bergerie. Voilà, eh ben dans la nurserie. Dans la nurserie, voilà. Ah oh, mais oui. Et passer la nuit dès que les loups sont rentrés dans la nurserie. Eh oui, dans la nurserie. Bon, Géraldine, alors, tu as 24 ans, t'appelles de Nivelles. Oui. Et donc il fait froid, oui, pour être venu ce matin de pas loin, effectivement, il a fait pas très très très très chaud, ça c'est clair. Géraldine, tu fais quoi dans la vie? Je suis aide-ménagère. Tu es aide-ménagère, parfait. Si tu pouvais passer nous aider à la radio d'ailleurs, ça pourrait être pas mal. Hein. Ouais. Éventuellement, accessoirement, ouais. Moi je dis ça, c'est vraiment pour aider, hein, pour le coup. Bon Géraldine, alors 24 ans de Nivelles, comme je le disais, tu as la réponse à la devinette qui colle, je vais donc la répéter. Attention, à peine fini, il se perd dans le passé, d'où nul ne revient. Demain ce ne sera plus qu'hier, hier c'était simplement demain, qui est-il? Aujourd'hui. Eh oui, c'est aujourd'hui, c'est la bonne réponse, car aujourd'hui tu repars avec tes deux billets d'avion, comme promis pour... Eh oui, t'as vu un petit peu quelle bonne nouvelle pour ce vendredi là? Ah, ça fait plaisir, hein. Tout ça grâce à l'anniversaire de Fun Radio, à 20... les 20 ans de Fun Radio, hein. On fêtera ça à Charleroi d'ailleurs, le 17 décembre, à Tissera. Eh ben écoute, super Géraldine, si vous voulez plus d'infos, vous venez sur le site de Fun, funradio.be, et puis on vous attend nombreux, on sera tous là avec Vince, il y aura Toff. Nombreuses. Oui, nombreuses aussi d'ailleurs, hein. il y aura toute l'équipe de Fun en tout cas. Ben, gros bisous Géraldine. Merci, vous aussi, bonne journée. A bientôt, salut Géraldine. Et puis nous on va revenir dans un instant avec une nouvelle devinette qui colle, évidemment, pour repartir encore avec des billets d'avion. Si vous voulez y participer, restez bien sur Fun Radio. On revient dans un petit instant avec, comme je le disais, l'info de Julie. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. C'est Mickaël à la radio sur Fun Radio. Et bienvenue tout le monde, c'est vendredi le 9 décembre aujourd'hui. Bon week-end à ceux qui sont déjà en week-end. Et puis sinon, bah courage, ça va bien se passer. Reste plus qu'une seule journée, en plus un week-end normalement qui devrait être lumineux. Voilà. Oui. Pas dire ensoleillé, mais en tout cas lumineux. Voilà. Bon, attention, il y a une nouvelle devinette qui colle, qui débarque maintenant, qui vous permettra de repartir avec deux billets d'avion pour aller partout où vous voulez en Europe. Écoutez bien la devinette qui colle. On le bat pour rassembler à l'ordre. C'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? Bon, un autre petit indice facile. En général, on en reçoit un, voire deux avant d'avoir des emmerdes quand on reçoit une facture qu'on ne paye pas. Mmh. Voilà, si vous avez la bonne réponse, 63-22. On le bat pour rassembler à l'ordre, c'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? La bonne réponse au 63-22. Et comme je le disais, on en reçoit un ou deux avant d'avoir plus d'emmerdes quand on ne paye pas une facture qu'on aurait dû payer effectivement. Voilà, la bonne réponse au 63-22, c'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde, il y a des billets d'avion à gagner. Et puis pour nos amis luxembourgeois, c'est au 621-783-605 qu'il faut envoyer votre SMS. 621-783-605. Et c'est l'heure de passer à l'info maintenant. Et pour info, ce n'est pas l'avertissement justement, la réponse. Bonjour à tous. Les assurances vont augmenter leurs prix en 2012. Les prix vont augmenter de 5 à 10%. Oh. Une augmentation progressive qui va varier d'une compagnie à l'autre. Cette hausse vise principalement les assurances auto et habitation. En cause, le nombre de sinistres et surtout les accidents de voiture qui a explosé ces dernières années. Tout comme les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Autre problème, les assurances investissent leur argent en bourse, mais vu la conjoncture actuelle, leurs réserves financières sont en baisse. Selon Assuralia, cette augmentation sera progressive et presque invisible. Mais bon, la conclusion, c'est quand même que les assurés vont encore casquer. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de bonus salariaux liés aux résultats en 2010, soit un salarié sur 12 en Belgique. L'intérêt du système pour l'employeur, c'est que le bonus n'est pas considéré comme une rémunération. Il est donc exempté des cotisations patronales. L'intérêt pour le salarié, c'est que le bonus est exonéré d'impôts. Le succès du système est indéniable. Les bonus ont quadruplé en 3 ans, au point d'inquiéter la Cour des comptes qui constate que le recours croissant à ces formes de primes plombe les rentrées de la sécurité sociale et du fisc. La Cour recommande d'intensifier les contrôles. Semi-échec cette nuit au sommet européen. Après 12 heures de discussion, les 27 n'ont pas réussi à s'entendre sur la manière d'imposer des règles budgétaires strictes aux pays de la zone euro. La Grande-Bretagne notamment a claqué la porte. Cet accord pour renforcer la discipline budgétaire dans la zone euro ne sera adopté que par les 17 membres et des pays volontaires en raison du refus de la Grande-Bretagne. Pour finir, emmenés par l'Allemagne, ils ont opté pour la voie d'un renforcement considérable de la discipline budgétaire, passant notamment par l'interdiction des déficits structurels supérieurs à 0,5% du PIB. Au quartier Matongé, hier soir à Bruxelles, de nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. 2 voitures ont été incendiées et 5 personnes ont été arrêtées. La publication des résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière en République démocratique du Congo a été reportée à aujourd'hui. Et puis à l'étranger, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur le tristement célèbre campus de Virginia Tech aux États-Unis. Elle a fait 2 morts, dont 1 policier. Le suspect est en fuite. Le 16 avril 2007, sur ce même campus, un étudiant de 23 ans avait déjà tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort. Il est 7h34 sur Fun Radio. Bienvenue si vous débarquez. Eh bien, c'est l'heure de passer à la météo maintenant. Le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Au sud du pays, la pluie est toujours au programme. Quelques flocons seront possibles sur l'Ardenne. Température qui plafonne de 1 à 8 degrés, donc ça caille. Demain, ah ouais, il va faire beau, mais toujours aussi froid. Et dimanche, un peu plus couvert. C'est déjà ça de prix. Bon, dans un instant, c'est le son de Katy Perry qu'on écoute. The One That Got Away. Mais avant cela, quelle est l'info en plus? Bon, je ne sais pas si tu es fan, toi, Mickaël, de robes à corset, de chapeaux, de bottes. Bien sûr, mais j'en mets chaque jour. J'attends le week-end avec impatience. Ma robe à corset m'attend. Je vais mettre ça va être magnifique. Eh bien, c'est parfait pour toi qui es fan des costumes de théâtre. Eh bien, 3000 costumes de théâtre vont être mis en vente à Bruxelles, à la Monnaie, plus précisément. En vente ce 17 décembre. Et c'est quand même l'opération la plus énorme de vente de costumes en Belgique. Alors, il y a quand même quelques règles. Hein. Les achats seront limités. Les clients ne pourront pas repartir avec plus de 15 pièces maximum. Et donc, c'est le 17 décembre à La Monnaie, et La Monnaie espère se récolter quand même 20 000 euros justement. Pour de monnaie. Monet espère s'en faire beaucoup. Bah justement, 20 000 euros. Ils espèrent s'en faire beaucoup. Oh oui, c'est énorme. Oh, j'ai bouffé un clown ce matin. Donc voilà, 17 décembre à 13h, si vous avez toujours rêvé de vous aussi porter des costumes de théâtre. Mais c'est pas mal, hein. D'ailleurs, effectivement, je suis ravi de cette robe à corset, hein, que je me suis offert là. Ça va être magnifique ce week-end. Je pense que je vais bien m'éclater, moi. 7h35 sur Fun Radio. Je vous rappelle la devinette qui colle dans un instant pour repartir avec vos billets d'avion et puis Katy Perry. Maintenant, la belle Katy qu'on écoute tout de suite, The One That Got Away sur Fun. Katy Perry sur Fun Radio et dans un instant on écoutera Dédiqué avec Dédic Cool et Magic Cut. Il est 7h38, bon réveil. Dites-nous tiens si ça se passe bien ce matin sur les routes. Là on fera un tour du côté de l'infotrafic dans un petit instant. Donc si vous êtes dans un bouchon, vous voyez un accident, vous voyez un radar éventuellement, n'hésitez pas à nous le signaler. On en parlera dans un instant pour aider les autres auditeurs de Fun à éviter de prendre ce chemin-là si jamais ils vont droit dans un bouchon. Voilà, c'est ce qu'on appelle la Fun Solidarité. 3044 par SMS ou alors vous faites un petit mail mikael@funradio.be. Je vous rappelle la devinette qui colle, c'est pour repartir avec vos billets d'avion à l'occasion des 20 ans de Fun Radio qu'on fêtera à Charleroi. Ça se passera le 17 décembre, c'est la semaine prochaine. Si vous voulez venir avec nous à Charleroi, eh bien vous êtes évidemment les bienvenus. Toute l'équipe de Fun sera là-bas pour fêter justement les 20 ans de Fun. Alors, écoutez bien la devinette qui colle pour repartir avec vos billets d'avion. On le bat pour rassembler à l'ordre. C'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? Et comme je l'ai dit... En général, on en reçoit un, deux, quand on ne paye pas une facture, par exemple, qu'on aura dû payer. Un autre indice, éventuellement Mais non, j'en ai pas trop. Quand on oublie, en général, on en fait un. Ou alors à la fin d'un concert. Oui, on peut faire ça, oui. Ouais, ou à la fin d'un concert, en général, le mec il se barre, on applaudit, on dit allez, une autre. Donc c'est ce qu'on appelle de cette manière-là également. Ce n'est pas un recommandé, parce qu'effectivement, quand je vais dans un concert, je ne fais pas un recommandé pour que le chanteur fasse une chanson de plus. Tu pourrais. Mais ce serait bête. Oui, je pourrais, ouais. C'est pas une contribution non plus. Donc voilà, la bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde, c'est 1 euro le message, ou alors pour nos amis luxembourgeois, au 621-783-600. 5. Bonne chance d'avance. On revient dans un instant, comme promis. Je l'ai dit avec le son de Dédiqué Magic Cut et avec l'info trafic. C'est nickel à la radio, sur Fun Radio. Nickel à la radio. C'est encore mieux qu'un concert d'André Rieu. Fun Radio. Oui, après, je ne sais pas. C'est vous qui serez seul juge, évidemment. J'ai envie de dire que c'est facile, quand même. C'est vrai. 7h45 sur Fun Radio. Dans un instant, Dédiqué avec Diddy Cool et Magic Cut. Et nous allons maintenant faire un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes à 7h45? Accident sur le R8 Beutenring à hauteur de Courtrai Sud. La chaussée fermée au kilomètre 3.1. Et puis, accident sur le ring de Bruxelles à hauteur de Wautier-Bren en direction de Grand-Bigard. La chaussée est libre, mais la circulation est fortement ralentie, évidemment. Sachant accident. Que ça bouge déjà d'habitude à Halle, je pense que là, si vous êtes vers Nivelles, je pense que vous n'êtes pas arrivé à Bruxelles. Hein. Ça n'est pas. Accident sur le 40 Bruxelles-Liège, HN en direction de Sint-Lambrecht-Woluwe, en direction de Leuven, bande de gauche du milieu obstrué au kilomètre 2.3. Et puis, bien évidemment, ça ralentit sur les grands axes pour rejoindre la capitale. Je ne vous apprends rien. Ah, tu dis Sint-Lambrecht-Woluwe, toi? Ah oui, moi je dis ça. Ah ouais, tu dis pas Woluwe, c'est Lambert? Ah non, moi je dis Sint-Lambrecht. D'accord, non, mais il n'y a pas de mal après. Hein, tu sais bien qu'elle dit Aachen. Et pas Aix-la-Chapelle. C'est vrai qu'elle dit Aachen, effectivement. Dans un instant, le rappel pour la devinette qui colle, ce n'est pas une acclamation. Alors c'est vrai qu'on peut acclamer quelqu'un quand on va dans un concert, mais rarement quand on ne paye pas une facture, hein. On en reçoit un ou deux, on ne reçoit pas une acclamation d'Electrabel par exemple quand tu payes pas ta facture, tu vois. Tu l'ouvres et puis ça fait ouais, ouais, c'est génial. Non, en général il te menace et il t'envoie un justement. Voilà, ce n'est pas un huissier non plus. 7h46 sur Fun. Dédiqué Magic Cut avec Diddy Cool. Il y a Bob Sinclair et le Colonel Riel qui arrivent dans un instant avec Minata Gangsta. Et puis on proposait une réclamation. C'est Sarah de Bruxelles pour la devinette qui colle. Ah non, non, vraiment, mais vraiment pas là. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Fun Radio. Et voilà, 7h49, c'est l'heure maintenant de la ligne anti-relou. Et donc avant la ligne anti-relou, je vous rappelle quand même la devinette qui colle puisqu'on en parlait à l'instant. Écoutez-la bien, on le bas pour rassembler à l'ordre. C'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? Donc effectivement, ce n'est pas une réclamation, Sarah de Bruxelles. Alors évidemment, si on paye pas une facture, on peut avoir une réclamation, mais c'est rare. En général, ça se fait autrement. Hein. On reçoit le premier, le second, parfois le troisième, puis après ça va au tribunal ou avec un huissier par exemple. Mais rarement quand on va dans un concert, on fait une réclamation parce que le chanteur n'a pas fait une dernière chanson, quoi. Voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance tout le monde. Il y a Jean-Luc aussi du Luxembourg là qui a envoyé la bonne réponse au 621-783-605. C'est le numéro pour nos amis luxembourgeois et le 63-22 pour toute la Belgique évidemment. Bon, alors, la ligne anti-relou chaque matin sur Fun Radio avec les meilleurs messages de relou laissés sur le 0473-86-0013. Et Dieu sait qu'avant le week-end, il y a du lourd et après le week-end, il y a du encore plus lourd. Allez, c'est parti, on écoute maintenant le premier message. Ouais, c'est moi, ma fille, tu me fais venir à Arlon et à personne. Pas se foutre de ma gueule. Hein. Et si j'avais un marteau, je cognerais ta tête. Salut. Je pense que le marteau l'a d'abord cogné lui. Hein. Voilà, c'est le berceau, c'est le berceau, ça remonte à plus longtemps encore. Peut-être que ça remonte un petit peu avant, oui, c'est vrai. Allez, deuxième message laissé sur la ligne anti-relou. Tu sais, bah, quand même, parfois, c'est quand on donne vraiment son vrai numéro, y a parfois, on peut avoir vraiment des gros cassos quand même. Hein. Ah, mais c'est pas une blague. Hein. T'imagines, ça arrive vraiment sur ton numéro, t'as peur quand même. Tu mets qu'il arrive. Si j'avais un marteau, je cognerais ta tête. Tu dis merde, si tu sais où j'habite. T'imagines un peu. Allez, deuxième message. Salut, c'est moi Richard. Salut Richard. Voilà, ça fait 8 mois que tu travailles près de moi et je n'ose pas te le dire. Ben voilà, j'ai pas fait mon pour toi et j'ai eu ton numéro par un collègue à l'usine. Ben voilà, j'espère que tu me ressembleras. Allez, gros bisous. Oh bah lui c'est pas vraiment relou, c'est juste son pote qui lui a fait une vanne en disant bah tiens on va lui donner le numéro de la ligne anti-relou de Fun Radio, hop là, comme ça on va bien se marrer avec les collègues. Non mais c'est ça, bah voilà, c'est gagné. En plus ils ont dû le faire mariner, t'es genre attends on va voir si on arrive à avoir son numéro. Allez, chaude bouillante après toi, c'est les échos que j'ai entendus dans la boîte et tout ça, donc voilà, bon bah c'est perdu. Allez, troisième et dernier message pour cette heure-ci. Wesh cuisine, c'est Hakim. Tiens, on se vit hier, rappelle-moi. Arrête, ciao, tu me rappelles. En tout cas, c'est un message qui marche très très bien envers les filles. Wesh, cousine, j'ai envie de casser les hanches et tout ça. Tranquille, miss. Vas-y, rappelle-moi si tu veux, vas-y. Allez, retour de la ligne anti-relou tout à l'heure, dans moins d'une heure sur Fun Radio. Message qui est arrivé, passe un bonjour à Myron et Selim qui sont à côté de moi. Bah, tu peux le faire toi. Vous êtes l'un à côté de l'autre. En tout cas, cela dit, c'est fait, effectivement. Et sinon, pour la devinette qui colle, ce n'est pas une mise en demeure. La mise en demeure, elle arrive encore après. En général, mise en demeure de payer, mais il y a d'abord 1, 2 ou 3 autres choses entre la facture et la mise en demeure. Allez, 63-22, si vous avez la bonne réponse, bonne chance tout le monde. Et à 7h52, on va écouter maintenant le son de Bob Sinclair et le Colonel Riel sur Fun Radio, Mina la Gangsta, chanson préférée de Julie, faut le souligner. C'est vrai, faut le souligner. Et puis juste après, on va faire un petit tour, ça va? Si tu veux. On va faire une enquête au niveau des pervers avec Tov dans un instant sur Fun Radio. Voilà le Bob Sinclair à l'instant, le son de Bob Sinclair avec le Colonel Riel. 7h55 sur Fun Radio dans quelques instants. Dans moins d'un quart d'heure, je vous rembourse vos factures. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, eh bien, vous vous inscrivez dès maintenant si vous le souhaitez au 63-22. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On aura des tours iPod aussi à vous filer, des tours géantes iPod Lenco. Ce sera tout à l'heure aussi. Si vous voulez vous inscrire là aussi, 63-22, code Lenco. Bonne chance tout le monde. Et pour la devinette qui colle, on propose un avertissement. Non, c'est pas ça. On donne pas un avertissement à quelqu'un quand on va le voir en concert. Quand il arrête de chanter à la fin là et qu'on veut qu'il revienne, on lui dit bah je te mets un avertissement, t'as compris. Si tu ne remontes pas sur scène, hein, casse ta gueule. Tu me donnes ton carnet de correspondance. Tu vas voir. Bon, allez, c'est parti, on va vérifier maintenant, on l'avait fait tout à l'heure, si les gens sont pervers. Donc cette offre est tombée sur une info à ce niveau-là, c'est ouais, ça. C'est un peu surréaliste, c'est donc le site SOS Pervers, un site qui existe vraiment, hein, je tiens à le préciser. Ah oui, donc c'est donc un vrai site, alors c'est surréaliste. Je suis allé dessus. Et le contrat nous aurait étonné, tiens. Ouais, non, mais je suis allé dessus pour voir. Et en fait, t'as un questionnaire qui dure à peu près 15 minutes, le temps d'y répondre si t'es rapide ou pas, c'est un peu plus ou un peu moins. Ouais. Et donc, tu coches des choix multiples. Et à la fin, ça te dit si la personne dont tu parles est un pervers ou pas. Et après, tu peux l'inscrire au site. D'accord. Et bon, donc, moi, j'appelle les gens pour les prévenir qu'ils vont être inscrits. D'accord. Et là, c'est Chris de la Louvière, non, c'est ça? Non, c'est Fred de la Louvière qui nous a donné le numéro de téléphone. Voilà, il nous a dit c'est un gros pervers, appelez-le. Bon, on va l'appeler, c'est à Blaton qu'on va, donc c'est ça? C'est ça. Allez, très bien. On y va. On avait été à Namur tout à l'heure où le mec nous a traité de connard, hein, c'est ça? Ou sale con, je crois. Sale con. Oui, c'est ça. Mais il était très heureux d'être répertorié dans les pervers. Ah, bah il était sale content. Con, ah, oui, sale con. Oui. Allez, c'est parti. On y va. On rappelle. Enfin, on rappelle pas. On appelle à Blaton maintenant. Oui, allô? Oui, allô, bonjour monsieur. Allô? Oui, bonjour monsieur. Qui êtes-vous? Oui, SOS pervers à l'appareil, monsieur. T'as connard, toi, de téléphone à cette heure-ci? Non monsieur, en fait je vous appelle pour vous prévenir que votre profil de pervers va être rendu public sur notre site. Quoi? Oui, en fait, vous avez été dénoncé par, a priori, des gens de votre entourage qui ont estimé que votre perversité était suffisante pour être révélée au monde. Mais c'est pas pervers du tout, moi, je t'attrape pas coupé dans ta gueule, toi, espèce de connard. Oh, putain. Ah, mais hey, merci à Fred, hein. Merci à Fred d'aller ouvrir, je pense que je suis tombé sur un bon client. Non, c'est un homme très charmant, c'est-à-dire que j'ai dit trois mots, il m'avait déjà insulté. C'est ça. Je l'aime beaucoup, ce garçon. Bah, déjà, oui, bonjour, t'es qui? Oui, bonjour. Vous avez à quelle heure il appelle aussi? Oh, 7h57, ouais, ça va. Ah. Bon, allez, on rappelle. Il a l'air tellement charmant, on serait dommage de le laisser. Oui. Oui, excusez-moi, nous avons été coupés. Non, non, c'est moi qui ai coupé. Si vous téléphonez encore une seule fois sur cette ligne ici, je porte plainte, ça va? Oui, monsieur, mais enfin, moi, je vous appelle pour vous prévenir. C'est-à-dire que... J'ai compris. Si vous téléphonez encore une fois, je vous porte plainte. Oui, monsieur, mais... Oui, bon, enfin, si on nous met au défi, après, forcément, c'est ça le problème. Bah... Mais, non, mais après, tu m'étonnes que les flics sont surchargés. Si les gens portent plainte pour un oui ou pour un non... Mais voilà. Comment tu veux qu'ils s'en sortent, les pauvres? Bon, allez, on rappelle encore une fois. Bah, évidemment. Bon, on va voir si, effectivement, il n'a qu'une parole, ce monsieur. Oui. Oui, je ne sais pas ce qui s'est passé, nous avons encore été coupés. Allô, monsieur? Oui, pardon. Non, parce que nous avons encore été coupés. Non, c'est moi qui ai coupé. Vous allez arrêter de téléphoner, autrement je vais porter plainte, ça va? Ah, mais vous aviez pas déjà dit ça tout à l'heure? Oui, mais vous allez couper maintenant. Autrement, je vais porter plainte. Autrement, tu me donnes ton nom, je vais t'attraper et je t'effonce la grande gueule de merde, ça va? Monsieur, quelle violence! Monsieur, quelle violence! Ce connard, voilà. Tu vois pas que tu téléphones à n'importe quelle heure, espèce d'abruti connard. Fils de pute, voilà. Oh là là. Oh bah il est en pleine forme lui, hein. Oh là là. Eh bah merci à Fred de la Louvière de nous avoir donné le numéro de son ami. Je ne sais pas s'ils sont vraiment amis. Ah, très charmante personne. On rappellera tout à l'heure dans moins d'une heure sur Fun Radio. L'info de Julie arrive après le son de Rihanna et We Found Love. Bonne matinée sur Fun. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Il est 8h sur Fun Radio, 8h01 pour être précis, c'est l'info maintenant avec Julie. Bonjour à tous, les assurances vont augmenter leurs prix en 2012. Les tarifs vont augmenter de 5 à 10%, une augmentation progressive qui va varier d'une compagnie à l'autre. Cette hausse vise principalement les assurances auto et habitation. En cause, le nombre de sinistres et surtout les accidents de voiture qui a explosé ces dernières années. Tout comme les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Autre problème, les assurances investissent leur argent en bourse, mais vu la conjoncture actuelle, leurs réserves financières sont en baisse. Selon Assuralia, cette augmentation sera progressive et presque invisible. Mais bon, la conclusion, c'est quand même que les assurés vont encore casquer. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de bonus salariaux liés aux résultats l'année dernière, soit un salarié sur 12 en Belgique. L'intérêt du système pour l'employeur, c'est que le bonus n'est pas considéré comme une rémunération. Il est donc exempté des cotisations patronales. Et l'intérêt pour le salarié, c'est que le bonus est exonéré d'impôts. Le succès du système est indéniable. Les bonus sont quadruplés en 3 ans, au point d'inquiéter la Cour des comptes qui constate que le retour croissant à ces formes de primes plombe les rentrées de la Sécurité sociale et du fisc. La Cour recommande d'intensifier les contrôles. Au quartier Matongé à Bruxelles hier soir, de nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. 2 voitures ont été incendiées. Un taxi a fauché une adolescente dans la chaussée d'Ixelles. La victime a été blessée aux jambes. Elle a été emmenée en ambulance à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. La police a procédé à 5 arrestations. La publication des résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière en République démocratique du Congo a été, elle, reportée à aujourd'hui. Semi-échec cette nuit au sommet européen. Après 12 heures de discussion, les 27 n'ont pas réussi à s'entendre sur la manière d'imposer des règles budgétaires strictes aux pays de la zone euro. La Grande-Bretagne notamment a claqué la porte. 17 membres et des pays volontaires se sont mis d'accord. Emmenés par l'Allemagne, ils ont opté pour finir pour la voie d'un renforcement considérable de la discipline budgétaire. Notamment, la Banque Centrale Européenne sera chargée de gérer l'actuel fonds de secours de la zone euro et le futur mécanisme européen de stabilité appelé à lui succéder en 2012. À l'étranger, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur le tristement célèbre campus de Virginia Tech aux États-Unis. Elle a fait 2 morts, dont un policier. Le suspect est toujours en fuite. En 2007, sur ce même campus, un étudiant de 23 ans avait déjà tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort. Il est 8h04 sur Fun Radio. Dans un instant, je vous rembourse vos factures. Je vous explique comment ça va se passer. Dans quelques instants, le temps de faire un tour du côté de la météo. Quel temps pour aujourd'hui et quel temps pour ce week-end? Eh bien, le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies au sud du pays. La pluie est toujours au programme. Quelques flocons seront possibles sur l'Ardenne. Température qui plafonne entre 1 et 8 degrés. Oui, ça caille. Demain, il va faire beau, mais toujours aussi froid. Et dimanche, un petit peu plus couvert. C'est déjà ça. Et puis, un message qui est arrivé. Putain, Mickaël, je suis à la bourre. Pourquoi tu m'as pas réveillé? T'aurais dû m'envoyer Julie. Non, je préfère Sébastien Loeb. Oui, pour le réveil, c'est peut-être mieux, effectivement, oui. Ben oui, bah désolé, maintenant je me fais agresser parce que le réveil n'a pas sonné. Tu vois. Ah ben écoute. Je suis responsable de tout, c'est exceptionnel. Faut tout gérer ici. Mais oui, 8h04, je vous explique comment vous faire rembourser vos factures dans 30 secondes. Fun Radio. Fun Radio. Et justement, on en parlait, le remboursement des factures, eh bien ça va se faire dans quelques instants. Si vous voulez qu'on vous appelle, il suffit de vous inscrire au 6322 par SMS en débutant votre message par facture, avec le montant et l'objet de la facture, comme là une location de DVD, 39,45€. Ah oui, quand même beaucoup de DVD, hein. 92€ pour la taxe pour l'enlèvement de je ne sais pas quoi, malheureusement je n'ai pas la fin du message. 95€ pour un procès, 139€ pour Luminus, 100€ pour deux vestes pour mes enfants. Il y a également 40€ pour une recharge téléphone. 56€ pour le repas de Noël, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, un seul numéro, 6322 par SMS pour vous faire rembourser votre facture. Vous débutez votre message par facture, vous mettez le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Et puis pour nos amis luxembourgeois, vous pouvez aussi vous inscrire au 621-783-605. Quelle est l'info en plus? Eh bien, c'est une petite révolution. 3 minutes de sport par semaine, ça suffit pour prévenir diabète. Bien sûr. Alors c'est des scientifiques de l'université de Bath qui ont demandé à des volontaires d'effectuer deux cycles de sprint de 20 secondes sur des vélos d'exercice. Donc c'est assez intensif, mais c'est quand même que 2 fois 20 secondes, 3 fois par semaine. Et après 6 semaines, les chercheurs ont remarqué une amélioration de 28% de leur niveau d'insuline. Donc alors c'est pour prévenir le diabète. Et je vous rappelle que le diabète de type 2, ce qu'on peut avoir le plus facilement, eh bien il survient lorsque le taux de sucre s'accumule dans le sang à des niveaux dangereusement élevés. Donc on a trop de sucre dans le sang et l'exercice régulier peut aider à maintenir les niveaux de sucre dans le sang. Et donc, rien que 3 minutes de sport par semaine, ça suffirait pour réduire le diabète. Le diabète qui peut quand même provoquer, je le rappelle, des complications potentiellement mortelles, donc aux reins, au cœur, aux yeux, etc. Donc c'est quand même super dangereux. Et donc voilà, on se dit que 3 minutes de sport par semaine, oui, c'est quand même pas très compliqué. C'est pas la mer à boire. Et c'est une véritable révolution d'avoir fait cette découverte. En tout cas, c'est bien parce que du coup, je ne risque pas d'être diabétique, hein, vu qu'à la radio, je ne prends jamais l'ascenseur, je ne fais que monter les escaliers à pied. Non, il faut. Donc l'addition totale, ça fait bien 3 minutes sur la semaine. Non, il faut quand même, à mon avis, quand même 3 minutes, mais intensif. Ah, mais c'est très intensif. Hein. Non, c'est très, très intensif. C'est intensif. Oh là, tu ne te rends pas compte. Hein. C'est très, très, trop intensif. Hein. Je monte et je descends les mêmes escaliers que toi, ce n'est pas intensif. C'est très intensif. Oui, d'accord. Okay. Bon, sinon, on proposait 125€ pour la coiffure aussi. Hein. Dis donc, c'est cher, hein, 100€ de coiffure pour les filles. Hein. Ça doit être les mèches, à mon avis. Hein. Ouais, il y a sûrement des mèches là-dedans. Bien cher quand même. Enfin, bon, message qui est arrivé. Mickaël, merci pour hier à Mont, c'était top. Gros bisous, c'est Amandine et Sarah. Ben, merci les filles pour le petit déj d'ailleurs aussi. Hein. C'est très gentil de votre part. Et puis un message aussi qui est arrivé. Vince disait que tu as de belles baskets Nike. Big up à Rippy. Non mais comme je l'ai déjà dit, Vince dit n'importe quoi. J'avais des baskets de 1 que j'ai reçu et de 2 ça fait perpète que je les mets plus. Enfin je les mets comme ça vite fait, mais plus pour plus dans la journée. Oh là là là là, qu'il est triste. C'est vrai. Je parle de Vince évidemment. Oh là là, c'est dur. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et avec plaisir, évidemment, tous les matins, ça se passe comme ça sur Fun Radio. On vous appelle, on vous rembourse vos factures si vous répondez bien à la question. Qui paye les factures tous les matins? Vous répondez Mickaël ou Fun Radio ou les deux si vous voulez, il n'y a aucun problème. Tiens, il y a un message qui est arrivé. En écoutant la musique du colonel Ariel que vous avez passé tout à l'heure, je ne comprends pas comment des gars comme le colonel arrivent à réussir, il fait juste de la merde. Oui, ouais, c'est une manière de voir. N'osez pas le dire. C'est fait. Bon, bah après, c'est ton avis évidemment. Y a bon, pas de, chacun y a pas ses problèmes, goûts, hein. Il en faut pour tous. Ah ouais, ouais, évidemment, évidemment. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme facture? 65€ pour un PV, 158€ pour la crèche du bébé, 1678€ pour l'électricité. Il y a un moment, faut enlever la veilleuse des télés, etc. Ça te fera économiser un peu quand même, hein. Fais gaffe quand même. 67,25€ pour Proximus. Qu'est-ce qu'il y a? 106€ pour la taxe communale de Bruxelles. 67,25€ pour Proxy encore. 65€ pour un PV, etc., etc. Si vous voulez qu'on vous appelle, 6322. Débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture. On appelle chez vous maintenant, c'est parti. Et on remettra le couvert à 9h10, hein, pour ceux chez qui ça sonne pas justement. Allô. Allô. Oui, bonjour, c'est Fun Radio. Oh là là, oh là là, pas le temps de poser la question, dis donc. Oh, comment ça va? Ça va bien, merci. Bon, ben, bienvenue à toi. Comment tu t'appelles? Laurent. Laurent, tu es à quel âge et tu es dans quelle ville, Laurent? 32 ans de Tournai. 32 ans de Tournai. Eh ben, très bien, on était à Tournai, tiens, la semaine dernière, la petite boulangerie, là, c'était sympathique. T'étais pas passé nous voir? Non, vous étiez à la rue Royale, mais je travaillais, donc Comme t'es pas venu, on te rembourse pas ta facture, allez, casse-toi. C'est pour rire, bien sûr. Bon, tu avais envoyé un SMS pour te rembourser la bouffe de Noël, c'est ça, le repas de Noël? Oui, c'est bien ça, oui. Eh ben écoute, on va te rembourser ça, hein, ça te fera des belles économies quand même, malgré tout, tu vas pouvoir offrir un cadeau en plus à madame. Oui, c'est clair. Oui, ça c'est clair. Si ta femme est au courant que t'as gagné le remboursement du... Oui, tu peux m'offrir un cadeau, hein. Hein, un cadeau en plus. Radin. Ouais, un double cadeau. Bon, eh ben écoute, bravo à toi, tu restes au standard, on va t'expliquer comment ça se passe dans un instant, d'accord? Ça va, ok, je vous remercie bien. Mais je t'en prie, salut à toi, à bientôt. Merci, bonne journée, ciao. Et on remet le couvert tout à l'heure, si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures. 6322, code facture avec le montant et l'objet de la facture, bonne chance. Dans un instant sur Fun, l'horoscope et Florida avec Good Feeling. Ne bougez pas, Fun. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. L'horoscope sur Fun Radio, chaque matin, c'est comme ça que ça se passe avec les Black Eyed Peas. Dans un instant, ce sera Whenever. Et puis, vous êtes toujours en pleine forme, Doudou? Bien sûr, tout va bien. Toujours des courbatures à cause d'hier. On était dans une salle de sport hier, c'est pour ça. Oui, mais c'était difficile. Bah oui, mais je me doute. Je n'aurais pas dû faire autant de sport. Oui, c'était dur. Bon, allez. Doudou, les béliers. Oui, alors les béliers, grâce à votre bonne organisation, vous défendrez votre point de vue avec élan et habilité. Ça fait plaisir. Les taureaux. Soyez vigilants, vous êtes sujets au stress et vous êtes très nerveux en ce moment. Les gémeaux. Poursuivez votre chemin avec détermination et ne vous orientez plus autant aux conceptions des autres. Les cancers. Ayez confiance en vous et en votre expérience. Les lions. Aujourd'hui, ne faites pas de folie professionnelle, vous risquez de vous brûler les doigts. Les vierges. Ne jouez pas avec les sentiments, ce n'est pas bien, pas bien. Pas oui, bien. C'est mal. Les balances. Des mauvaises langues essayent de jeter le discrédit sur vous. Discrédit. Mais oui, mais soyez vigilants sur le plan professionnel. Les scorpions. Profitez de cette journée harmonieuse. Les sagittaires. Le soutien de votre famille et de vos amis vous aide à retrouver votre paix intérieure. Les capricornes. Concentrez-vous sur vos tâches et réglez-les consciencieusement. Et pour l'avant-dernier, les Verseaux. Professionnellement, vous êtes souple et créatif et vous serez mis à l'épreuve au travers de challenges inattendus. Et les poissons. Vous pensez trop négativement, alors courage, ne vous cassez pas la tête sur des choses qui n'existent pas complètement. Bien, merci Doudou, on vous retrouve dans une heure. Mais de rien, tout à l'heure. Très bien, tout à l'heure Doudou. Tiens, il y a un message qui est arrivé. Facture, arbre de Noël et décoration, 150 euros. Ah oh, oui, quand même, hein, c'est cher un arbre de Noël. Ah, c'est cher, mais faut le prendre chez Ikea, t'as des bons de réduction. Moi j'allais le dire, mais ça aurait fait de pub en fait. Ah oui, bah là c'est trop tard. Voilà, très bien, comme ça c'est plié. Hein. 8h19, et attention, dernière chance là ce matin, enfin cette heure-ci en tout cas, pour repartir avec vos billets d'avion à la devinette qui colle. Je la répète une dernière fois, on le bat pour rassembler à l'ordre. C'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? On le fait quand on est dans un concert par exemple, pour que le chanteur ou le groupe revienne. On en fait un, tout le monde fait un. Voilà, justement. Et puis en général, quand on ne paye pas une facture avant la mise en demeure, on reçoit un, deux ou trois. Voilà. Voilà. Ou trois. Bah oui, c'est ça. Oui. Des aides-mémoire. On va dire ça comme ça, des aides-mémoire. Allez, la bonne réponse au 6322, c'est 1 euro le message. Bonne chance. Dans un instant, la devine. Non, pas du tout. Je suis en train de tout mélanger. Nous aurons la déclaration express. Voilà. Et comme promis, maintenant, petite chanson bien sympathique pour un vendredi matin à 8h20 sur Fun Radio de Black Eyed Peas. Maintenant, c'est Whenever sur Fun Radio. Bon réveil. C'est Fun Radio, il est 8h23, bon réveil si jamais vous levez là, on sait jamais, hein, mieux vaut tard que jamais, en tout cas si vous travaillez évidemment. Et puis les autres, bon courage, ceux qui sont évidemment coincés sur la route, sachez que ça va se débloquer à un moment ou à un autre, hein, c'est inévitable, bon courage. Bon allez, Jordan qui est avec nous maintenant pour la devinette qui colle, salut Jordan. Allô Jordan. Allô, oui. Oui, salut Jordan, comment vas-tu? Très bien, très bien. Bon, t'appelles d'où Jordan? De Ham-sur-Sambre, d'accord, ok, très bien. Tu as 18 ans, Jordan, et tu as la réponse a priori à la devinette qui colle. On le bat pour rassembler à l'ordre. C'est une réprimande. Touche, c'est un retour en arrière. Qui est-il? Un rappel. Mais oui, c'est un rappel, effectivement. Oui, d'ailleurs, il y avait un auditeur qui disait qu'on pouvait également le faire à l'escalade, une descente en rappel. Merci Bosco de Herstal pour l'info, mais je viens de le voir maintenant, donc je n'ai pas pu malheureusement le donner en indice. Bon, eh ben écoute, bravo à toi, c'est une bonne réponse. Donc, tu repars avec tes billets d'avion, bravo. Ouais, y a pas de problème. Hein. C'est des billets d'avion. C'est ça. Et garde cette patate, Jordan. Ouais, hein. Surtout. Garde cette patate. Ouais. Se foutre de toi derrière. Bon, Jordan, écoute, passe une bonne journée. Tu restes au standard. On va t'expliquer comment ça se passe, d'accord ? Enfin, on te rappelle, ok ? Ouais, ça va. Allez, à tout à l'heure, Jordan. Ciao à toi. Et puis, nous allons faire la déclaration express dans quelques instants sur Fun Radio. Mais avant cela, nous allons maintenant vous faire péter, évidemment, notre petit invité mystère de ce matin qui vous permettra de repartir peut-être, justement, avec des billets d'avion. Écoutez, qui est notre invité mystère ? Mais bien souvent, les soirs d'hiver, quand la neige blanchissait la mer, c'était à toi que je pensais. Mais oui, Julie, oui, c'était à toi. Je sais, Tof-Tof, oui, bien souvent. Je sais, Tof-Tof. Voilà, votre avis, qui est notre invité mystère ? Si vous avez la bonne réponse, elle est de retour. On n'y croyait pas pourtant, hein. Mais on aurait mieux fait que ça n'arrive pas. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message, il y a des billets d'avion à la clé. Allez, c'est très dur hein, quand même. Voilà, allez, 63-22, bonne chance tout le monde. Et puis on va s'écouter le son de Andy Grammer maintenant avec Keep Your Head Up sur Fun Radio. Il est 8h25, bonne matinée sur Fun. C'est Fun Radio et dans un instant il y aura l'info de Julie qui va débarquer comme chaque matin évidemment, mais donc je vous remets un petit coup. Oh, je vous remets notre petit invité mystère là à découvrir pour repartir avec vos billets d'avion à l'occasion des 20 ans de Fun Radio. On fêtera ça à Charleroi d'ailleurs. Hein. Ce sera le 17 décembre, c'est samedi prochain. Si vous voulez venir, évidemment vous êtes les bienvenus. Ça tombe sous le sens, toute l'équipe de Fun sera là. Message qui dit ouh, elle est de retour, c'est mon fantasme de mes 11 ans. Ben oui, effectivement, je vous la remets là. Ah bah oui, quel fantasme. Ah oui. C'est quand même très dur. Hein. C'était à toi que je pensais. Oh, c'est dur, ça, dur, c'est dur, un fantasme. Ah ouais. C'est fort. En tout cas, grâce à son ancienne chanson et sa première, on sait comment elle s'appelle. Ça, c'est sûr. Hein. Ça, c'est clair et net. Bon, voilà. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, vous mettez tout simplement la réponse par SMS. Et puis, bah, nous, on vous rappelle, hein, tout simplement, hein, pour vous offrir vos billets d'avion. 63-22 avec la réponse. Bonne chance, tout le monde. Alors, nous avons maintenant avec nous Steve, qui est là pour la déclaration express. Bonjour, Steve. Salut, les gars. Comment vas-tu, Steve ? Très bien. Bon, bah, bienvenue à toi, Steve. Alors, tu es là pour la déclaration express ? Absolument. Eh ben très bien, on va appeler qui alors pour la déclaration express ? En fait, c'est Alessandra. Alessandra, d'accord, ok, très bien. Eh ben écoute, on va l'appeler, c'est déjà ta copine ou c'est comment ça se passe ? Oh, c'est ma copine depuis 2 ans déjà. C'est ta copine depuis 2 ans déjà, ben écoute, y'a pas de problème. Hein. On va l'appeler, pourquoi tu veux l'appeler d'ailleurs ? T'as peur de... Hein, t'as peur que ça soit terminé ou c'est juste comme ça pour entretenir la relation ? Oh, c'est juste pour entretenir la relation. D'accord, eh ben écoute, on y va, on l'appelle, c'est Alessandra, tu lui dis voilà j'ai un truc à te dire et nous on dégaine derrière, d'accord ? D'accord ? D'accord, pas de problème. Parfait. Allez, c'est parti, on y va. Ça sonne magnifique. Oui, ça sonne. Hello. Oui, c'est moi. Voilà, en fait, j'ai quelque chose à te dire, écoute. Quand je t'ai rencontré, j'avais l'air d'un mec louche. T'étais tellement jolie que la baffe sortait de ma bouche. Je t'ai glissé dans l'oreille, mais si tu veux, on bouge. J'avais mal à la tête, j'avais pris de la schnouf. Ensuite on a parlé, j'étais bête comme un âne. On était au café, tu buvais une tisane. Et quand le mec est venu apporter l'addition, t'as dit non c'est trop cher et tu l'as traité de con. Si tu viens vivre chez moi, je ferai la vaisselle. Je ferai à bouffer, je viderai les poubelles. Hier c'était ton anif et je voulais te le souhaiter. D'ailleurs ce soir si tu veux venir me retrouver, je risque d'être encore bourré. Et voilà cette déclaration express. Alors qu'en as-tu pensé Alessandra ? Elle a l'air d'aimer. Hein. C'est génial. Ah, bah, voilà. Ça y est. Bon, ben, voilà. Je te fais ma fête ce soir. Ah oui, Steve, je pense que tu vas bien te marrer ce week-end. Hein. Et ce soir je pense. Hein, profites-en bien et pense à nous. Bisous. Bon, allez, gros bisous tous les deux, à bientôt. Hop là. À bientôt. Salut à vous. Et si vous aussi vous voulez faire une petite déclaration express, eh bien vous vous inscrivez tout simplement 63 30 44, débutez le message par déclaration ou sur le mail de l'OB, loeb@funradio.be. Et dans un instant sur Fun Radio, DJ Antoine débarque avec Tom Dice, ce sera Sunlight. Mais avant ça, 8h31, on est en retard, c'est l'info maintenant avec July. Bonjour à tous. La moitié des affaires de drogue sont classées sans suite. Les différences entre les arrondissements judiciaires semblent importantes. Durant, ça a l'air de plaire à l'homme. Oui, c'est bizarre. Durant ces deux dernières années, 46% des consommateurs ont été libérés en Flandre. En Wallonie, ce taux monte à 58% et à Bruxelles, il est même de 66%. Les records absolus sont détenus par Verviers avec 74% et c'est pour toi, l'OB, à Liège, avec 70%. Les assurances vont augmenter leurs prix en 2012. Les tarifs vont augmenter de 5 à 10%. Une augmentation progressive qui va varier d'une compagnie à l'autre. Cette hausse vise principalement les assurances auto et habitation. En cause, le nombre de sinistres et surtout les accidents de voiture qui a explosé ces dernières années, tout comme les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Autre problème, les assurances investissent leur argent en bourse, mais vu la conjoncture actuelle, leurs réserves financières sont en baisse. Selon Assuralia, cette augmentation sera progressive et presque invisible. Mais bon, la conclusion, c'est quand même que ce sont les assurés qui vont encore casquer. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de bonus salariaux liés aux résultats en 2010, soit un salarié sur 12 en Belgique. L'intérêt du système pour l'employeur, c'est que le bonus n'est pas considéré comme une rémunération. Il est donc exempté de cotisations patronales. Et l'intérêt pour le salarié, c'est que le bonus est exonéré d'impôts. Le succès du système est indéniable. Les bonus ont quadruplé en 3 ans, au point d'inquiéter la Cour des comptes qui constate que le recours croissant à ces formes de primes plombe les rentrées de la sécurité sociale et du fisc. La Cour recommande d'intensifier les contrôles. Au quartier Matongé à Bruxelles hier soir, de nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées. Un taxi qui a été surpris par les échauffourées a fauché une adolescente dans la chaussée d'Ixelles. La victime a été blessée aux jambes, mais ses jours ne sont pas en danger. La police a procédé à 5 arrestations. La publication des résultats de l'élection présidentielle de la semaine dernière en République démocratique du Congo, a été reportée à aujourd'hui. Semi-échec cette nuit au sommet européen. Après 12 heures de discussion, les 27 n'ont pas réussi à s'entendre tous sur la manière d'imposer des règles budgétaires strictes aux pays de la zone euro. La Grande-Bretagne, notamment, a claqué la porte. Pour finir, seuls 17 membres et 6 pays volontaires se sont mis d'accord pour un renforcement considérable de la discipline budgétaire. Et puis à l'étranger, une nouvelle fusillade s'est déroulée sur le tristement célèbre campus de Virginia Tech aux États-Unis. Elle a fait 2 morts, dont un policier. Le suspect est en fuite en avril 2007. Sur ce même campus, un étudiant de 23 ans avait déjà tué 32 camarades et professeurs avant de se donner la mort. Il est 8h34 sur Fun Radio. Et on passe maintenant à la météo. Le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircies. Au sud du pays, la pluie est toujours au programme. Quelques flocons seront possibles sur l'Ardenne. Température de 1 à 8 degrés, bah oui, ça caille toujours. Demain, il va faire beau, mais toujours aussi froid. Et dimanche, un peu plus couvert. Eh ben, bon courage à ceux qui seraient éventuellement là dehors pendant ce week-end. Bonne chance à tout le monde. Allez, dans un instant, je vous fais réécouter à nouveau, notre petite invitée mystère de ce matin qui a été une star dans les années 90, hein, clairement, faut le dire. Ce sera dans un instant pour gagner vos billets d'avion. Avant cela, quelle est l'info en plus avant d'écouter DJ Antoine? Une info en plus qui concerne tous les fans des costumes de théâtre, un petit peu comme moi. Moi, j'aime beaucoup les robes, style Louis XIV, Versailles, etc. Eh bien, il y a 3000 costumes de théâtre qui vont être mis en vente à Bruxelles. Ça se passe le 17 décembre à la Monnaie. Ça devrait quand même attirer une centaine de fashionistas qui sont amateurs de théâtre. Et ça devrait attirer dans le monde entier, d'ailleurs, parce que c'est quand même rare que des pièces soient quand même mises en vente comme ça. Donc, c'est entre 2500 et 3000 pièces qui vont être mises en vente. Et l'opération permettra à la Monnaie de rapporter près de 20 000 euros. Et alors, il y a quand même une petite précision, c'est que les achats seront limités. Les clients ne pourront repartir qu'avec 15 pièces maximum. Ah oui, d'accord, ok, ouais, très bien. Bon, ça va, ils prennent pas trop de risques. Aucun spias, tu veux, y a pas un mec qui va venir pour tout racheter quoi. Genre toi, parce qu'elle est tellement fan, Julie, qu'elle pourra acheter tout le bazar. C'est pas un risque qu'ils prennent, parce qu'ils veulent tout vendre, mais c'est juste qu'ils veulent pas non plus tout vendre à la même personne. Ils veulent que tout le monde puisse en profiter. Moi, je verrais bien Julie arriver, tu sais, avec ses robes bustiers. Mais oui, moi, tout à fait. Complètement, j'adore. Oh là là là là. Avec des volants. Avec un corset, tout ça. Voilà. Mais on ne s'en mêle pas, les gars. On ne s'en mêle pas. 8h36 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Là, dans un instant, je vous remets un petit coup de notre invité mystère, et puis nous aurons Julien Derien dans quelques instants sur Fun Radio. Il est 8h36. C'est DJ Antoine qu'on écoute avec Tom Dice maintenant. C'est Sunlight. Bon réveil tout le monde. Dans un instant sur Fun Radio, Jay-Z débarque avec Why I Love You. Bonne matinée tout le monde. Je vous remets un petit coup de notre invité mystère maintenant sur Fun Radio. Découvrez-le et vous repartirez. Découvrez-la et vous repartirez avec vos billets d'avion direction quelque part en Europe, histoire de quitter cette grisaille et ce froid dégueulasse. Mais bien souvent, ou d'avoir pire. Après, ça dépend où vous partez en Europe. Hein. Si vous partez en Finlande en décembre, je pense que... Ou en Lituanie, par exemple. Ou par exemple, exactement. Il faudrait être con quand même pour partir là-bas, hein, quand il fait vraiment froid. C'est quand même moins idiot. Hein. Oui, bien souvent, en tout cas, on connaît son prénom grâce à une chanson bien connue qui a cartonné les années 90. Hein. Si vous avez la bonne réponse, enfin, je dis plutôt son prénom plutôt que son nom. 63-22, des billets d'avion qui sont à la clé. Bonne chance, tout le monde. Il y a un message qui est arrivé aussi. Hein. Il dit « Aujourd'hui, t'as vraiment cartonné l'homme, c'était terrible. Bonne journée à tous. Bisous aux stagiaires. » C'est Pierre de la salle de gym qui est passé hier. Ah oui, tout à fait, ouais. Bon, allez, 8h39 maintenant, c'est l'heure d'écouter notre ami Julien Derien qui officie tous les soirs dans la tribu avec Evan entre 17h et 20h. Ce grand reporter qui est toujours en direct de tous les endroits du monde où il se passe quelque chose et qui est également tous les matins à 8h40 sur Fun Radio. Eh bien, figurez-vous que l'info du jour, en fait, je la connais pas aujourd'hui. Alors, bon, on va directement aller du côté de Julien Derien. Hein, visiblement, il n'y a rien de préparé. Julien, vous êtes là? Vous êtes en direct d'où? Nulle part. Là, je suis à la buvette avec les collègues. On se met une tôle en se racontant des histoires de cul. Bah, allez-y, dites que je vous dérange peut-être en plus. Ouais, parce que c'est pas tellement le moment là. Y a Gérard, mon collègue de la RTBF, qui arrive à la fin de ton histoire. Donc, Julien, on s'en fout, nous, franchement, on s'en fout. Je sais qu'il t'en fout, mais moi je m'en fous qu'il t'en fout, il est fou lui. Bon, c'est toi qui m'appelle, moi je t'ai demandé. Hein. Ouais, enfin ça va, vous êtes gentil, je vous appelle pour que vous fassiez juste votre boulot de journaliste, un, parce que je vous paye, et d'abord parce que vous devez le faire tous les jours, non? Oui, bah écoute, tu me rappelleras plus tard là, parce que là, ma lèvre, elle a bientôt plus de bulles. Oh, c'est n'importe quoi, mais j'hallucine. Mais plus tard, l'émission, elle sera terminée, Julien. Ah, bah oui, mais si t'es un gros flemmard qui pense qu'à rentrer chez lui pour picoler et parler de cul avec tes potes et pas prendre en considération ton travail, c'est ton problème. Ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Moi, j'aurais jamais fait ça, par exemple, tu vois. Et puis bon, c'est pas grave, on s'en fout, je passerai chez Vince. Bon, Julien, ça suffit maintenant. D'abord, vous rentrez, vous maniez le cul de rentrer à la rédaction pour bosser votre sujet et on vous rappelle dans 10 minutes. Hein. Et sinon, tu vas faire quoi? Julien, ça va, vous avez pas 10 ans, vous êtes pas un gamin, vous savez ce qui va vous arriver. Tu sais même pas où je suis, tu vas faire quoi? Nanana, merde, tu sais pas où je suis, tu peux me chercher partout. Bah si, attendez, je sais où vous êtes au bar près de la gare du Midi, Julien. Bâtard, comment tu sais? Parce que c'est le troquet de Baraki le plus près des putes, tout simplement. Alors maintenant, Julien, tu arrêtes tes conneries, tu finis pas ta bière, tu ramènes ton cul au bureau, tu bosses un putain de sujet pour demain, et si je t'entends faire une putain de blague à la con de plus, je peux te jurer que tu vas prendre cher dans ta gueule, tu comprends, connard ? Oui, bah c'est bon, vas-y, t'énerve pas, s'il te plaît, je vais rentrer là. Dépêche-toi ! Evan, on est toujours copains ? Allez, merci Julien. De rien. Allez, voilà. Tu viens de rien qui s'est fait remonter les bretelles, on va dire hier. Donc à mon avis, je pense que ce soir il sera au taquet. Hein. Donc à partir de 17h, Evan et toute la tribu sur Fun Radio, 17h, 20h sur Fun. Dans un instant, comme promis, et ben, le son de Jay-Z, Kanye West. Why I Love You sur Fun Radio. Et l'info trafic arrive. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Cherchez pas sur les autres radios, ils sont encore devant la machine à café. Alors, restez ici, Mickaël, réveille la Belgique sur Fun Radio. Tous les matins, effectivement, il y a 8h46, que se passe-t-il sur les routes, Julie? À hauteur de Heptine, accident sur la N4 Luxembourg-Arlon-Namur en direction de Bruxelles. La bande de droite obstruée, la situation est dangereuse. Attention, une remorque est retournée sur la première voie de circulation, restez prudents. Et puis, animal sur la voie publique, sur la R3, sur le R3 à Charleroi, à hauteur de Montigny-le-Tilleul. Et puis, bonne nouvelle, la chaussée est libérée concernant l'accident notamment sur le R8 Beutenring à hauteur de Courtrai Sud. Très bien, si vous êtes témoin d'un problème sur la route, dites-le nous, n'hésitez pas, vous envoyez votre message au 3044, c'est 50 centimes le message, ou alors tout simplement en me faisant un petit mail, et c'est gratuit comme ça, vous faites mikl@funradio.be. Et puis dans un instant, la ligne anti-relou s'installera sur Fun Radio. Avant ça, Jay-Z et Kanye West maintenant, c'est Why I Love You. Oula, dis donc alors, allez, sors de la salle, je prie de chat. Why I Love You, voilà, ça je voulais dire. 8h47 sur Fun Radio, bonne matinée. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et à 8h49 sur Fun Radio, et ben c'est l'heure maintenant de faire un tour du côté de la ligne anti-relou. Tous les matins, 7h-4, 8h-4, 9h-4, les meilleurs messages qui ont été laissés sur le 0 473 86 00 13. Je vous dis ça parce que c'est le week-end qui arrive et que ben forcément il vaut mieux connaître ce numéro de téléphone par cœur afin de vous débarrasser de tous les gros relous que vous risquez de croiser. Ben peut-être Julie ce soir au ciné va peut-être croiser des relous, tu vois. Dire oui, vas-y, donne, je te donne mon numéro de téléphone, tiens, 0 473 86 00 13. Elle sera avec Chouchou. Ah ben non, elle va avec son amant. Avec Chouchou. Ouais. Avec que dalle, qu'est-ce que tu racontes? Avec Chouchou 2. Avec Chouchou 2. Il n'y a qu'un Chouchou. Le deuxième qui arrive. Ouais, bien sûr. Bon, allez, c'est avec Toff en fait, elle sera avec Toff. Oui, bien sûr, je serai avec mon amant et c'est pour ça que je le balance à l'antenne. Tu vois, ce soir, je serai au cinéma parce que je sais que Chouchou n'écoute pas. Hein, c'est ça, bah tu vois, comme il écoute pas, c'est bien. Évidemment. Chaque fois, tu nous dis qu'il écoute pas. Tu vois, c'est pour ça que nous pensons être entre nous. Oui, c'est vrai qu'il dort maintenant. Ah, tu vois. J'irai quand même avec lui. Ah ouais, bah y a pas de problème, hein, tu fais comme tu veux. Mais oui, bon. Mais c'est bien ce que je te dis. Allez, premier message maintenant laissé sur la ligne anti-relou. Stéphanie ? Bon, mais est-ce que je suis chez Stéphanie ? Non. Teuf ? Stéphanie ? Teuf, on dirait, non ? Qu'est-ce qu'il dit ? Teuf ? Teuf ? Visiblement, Stéphanie. Stéphanie, oui, oui. Stéphanie. Bon, allez, deuxième message. Ouais, c'est moi, ma fille. Tu me fais venir à Arlon et à personne. Pas se foutre de ma gueule. Hein. Et si j'avais un marteau, je cognerais ta tête. Salut. Non, mais de un, avec le Klebs déjà qui aboie derrière. Et de deux, le mec, il est tout vénère, tu vois. Ouais, tu t'es foutu de ma gueule et tout, puis après. Et tu sais quoi ? Si j'avais un marteau, avec ce côté un peu énervé, mais en chantant une chanson. Salut. Oh là là là là. Allez, dernier message pour ce matin. Salut. Salut. Stéphano, c'est moi, Richard. Salut, Richard. Voilà, ça fait 8 mois que tu travailles près de moi. Et je n'ose pas te le dire. Ben voilà, j'ai un compliment pour toi. Et j'ai eu ton numéro par un collègue à l'usine. Ben voilà, j'espère que tu me ressembleras. Allez, gros bisous. Ah, ça c'est pas cool. Il a peu de chance. Le pauvre, il a pris son courage à deux mains et puis en fait, voilà, ça n'a servi à rien. C'était une vanne des collègues. Oh, bien drôle la vanne quand même des collègues, faut le dire. Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oh, c'est triste, tout de suite les grands mots. Bon, ben voilà, retour de la ligne anti-relou dès demain, évidemment, à partir de 7h dans le replay de l'émission. C'est avec Yolande demain et dimanche, entre 7h et 10h sur Fun Radio. Vous en avez pris l'habitude maintenant. Et puis dans un instant, on va vérifier une dernière fois là. Ouais, non, ben non. On va vérifier une dernière fois si t'as trouvé des pervers, Toff. Et écoute, c'est Ludo qui nous a fourni le numéro, on verra ce que ça donne. Bon, bah très bien, on fait ça dans un instant sur Fun Radio, après le son de Martin Solveig et Dragonette. C'est Big in Japan maintenant. Il est 8h52, bon réveil sur Fun. C'est Fun Radio, il est 8h55, dans quelques instants on vous remboursera vos factures pour la dernière fois de la journée. Pour jouer avec nous, n'hésitez pas évidemment, vous tout simplement, vous vous inscrivez au 6322 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Il y a encore notre invité mystère, mais on en reparlera dans quelques instants. Et puis dernier appel maintenant avec Toff donc, pour vérifier au niveau des pervers là, tu vas appeler des pervers en fait. C'est ça, c'est-à-dire que donc depuis que j'ai découvert ce magnifique site qui est sospervers.com. Voilà. Ne rigole pas, ça existe vraiment. Ouais, ouais, ça existe vraiment. Ouais. Ou en 15 minutes, tu peux savoir si la personne que tu penses être un pervers est vraiment un pervers ou pas. D'accord. Et ensuite, okay. Tu peux le dénoncer. C'est ça qui est le plus beau. D'accord. Et donc là, nous avons reçu un numéro de Ludo hein, qui dit bonjour Fun. Voilà, appelez donc ce numéro. Vous n'allez pas être déçu. Appelez, c'est la région du Péquet. Ah. Bah, tout à l'heure, on avait appelé à Blatonde grâce à Fred de la Louvière. On est tombé sur quelqu'un de magnifique. Oui. Ah, très gentil, très agréable, très courtois. Très poli, un truc de ouf. Et là, on va appeler où alors maintenant? C'est pas où on appelle? C'est dans la région du Péquet. Dans la région du Péquet. J'ai pas plus d'informations. Bon, eh ben, c'est parti, on y va, on appelle et puis on va voir si effectivement. 069, ça commence. D'accord, ok. Allez, c'est parti. Hello? Oui, bonjour monsieur. Pense bien, ouais. Oui, bonjour, SOS Pervers à l'appareil. C'est qui? SOS Pervers. C'est qui ça? C'est moi. Ah, mais c'est qui ça? C'est sur leur serveur. Oui, donc c'est Toff à l'appareil. Qui? Toff. Toff. Toff. Toff. Ouais, voilà, c'est très bien. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je vous appelle parce que vous avez été dénoncé. Parce que vous êtes un gros cochon. Un gros cochon? Oui. Quel stock? Voilà, donc vous êtes un gros cochon et donc ça va être publié sur Internet. Tu sais ça? Internet, c'est avec les ordinateurs. Eh, t'es de foutre ma gueule ou quoi? Pas du tout, monsieur. Ce sont vos proches qui vous ont dénoncé, qui vous ont inscrit sur le site. Ça, c'est toi, c'est tu te bloques. C'est pas facile. Oui, et donc vous êtes un gros cochon. Ouais, ça, c'est toi. Bon, t'arrêtes ces bazars, hein. Tête debout. Je m'excuse, mais je n'ai pas tout compris à ce que vous venez de me dire. Faut me laisser tranquille. Oui, mais c'est parce que vous... J'ai la de femme, mais hein, c'est là parce que je viens ici boire un verre que je fais des bêtises, c'est pas vrai, hein. C'est dit qu'il me fait un verre avec que c'est vrai, là. Ah bon, alors j'en prête, hein. Faut pas toujours dire que j'ai mis, hein. Que vous avez un avis avec tes bavards, hein. Comment ça me faisait des cultes, tous les autres, hein. Évidemment. Okay. Bon, il faut arrêter cette bricole, hein. Parce que, mais je le dirai à Eddie, hein. T'as compris? Oui, oui, bien sûr. Bon. Et chez toi, on parle plus. Ça va? Très bien, très bien. Allez, au revoir. Oui, vous aussi. Il avait l'air un petit peu énervé, monsieur. Hein, il avait l'air un peu énervé, ouais. Oui, ou déjà bourré aussi, peut-être. Oui, peut-être aussi, effectivement, peut-être. Bon, et bien, nous rappellerons dès lundi. Avec grand plaisir. Avec les meilleurs appels de la semaine, dès demain, évidemment, dans le replay de l'émission. Oh, allez, on va se faire avant l'info de Julie, le son de Tal maintenant. C'est On avance sur Fun Radio, 8h58, bon réveil. Si j'entends... C'était le son de Tal à l'instant sur Fun avec On avance. Il y a un message qui est arrivé. Grave mortel, plusieurs poids lourds sur la E403, direction tournée à la sortie 5. On ne sait pas s'ils sont en panne ou s'il s'est passé quelque chose, mais en tout cas, le message est envoyé, quoi qu'il en soit. Hein. Et puis, dans un instant, on vous appelle pour vous rembourser vos factures sur Fun Radio 63. 22 code facture avec le montant et l'objet de la facture. Si vous voulez qu'on vous rembourse votre facture, ça se passe dans moins de 10 minutes sur Fun Radio. Et ce qui arrive dans 5 minutes, c'est Laurent Wery avec Hey Hey Hey sur Fun Radio. Et l'info de Julie arrive dans 10 secondes. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Yeah, it's morning time affair. Shug it. Mickaël. Fun. À la radio. Fun Radio. Yeah. C'est... Ah bah voilà, je viens d'avoir la mise à jour du problème sur la E403 là, donc autoroute, 3 bandes fermées, passage très difficile sur la E403, passé par la sortie 5 Wevelgem. Oui, effectivement, c'est un problème si les 3 bandes de l'autoroute sont fermées. Le passage est relativement difficile. Il est 9h01, c'est l'info maintenant avec July. Bonjour à tous, la moitié des affaires de drogue sont classées sans suite. Les différences entre les arrondissements judiciaires semblent importantes. Durant ces deux dernières années, 46% des consommateurs ont été libérés en Flandre. En Wallonie, ce taux monte à 58% et à Bruxelles, il est même de 66%. Les records absolus sont détenus par Verviers avec 74%, Liège avec 70% des affaires qui sont classées sans suite. Les assurances vont augmenter leurs prix en 2012. Les tarifs vont augmenter de 5 à 10%. Une augmentation progressive qui va varier d'une compagnie à l'autre. Cette hausse vise principalement les assurances auto et habitation. En cause, le nombre de sinistres et surtout les accidents de voiture qui a explosé ces dernières années, tout comme les dégâts causés par les catastrophes naturelles. Autre problème, les assurances investissent leur argent en bourse, mais vu la conjoncture actuelle, leurs réserves financières sont en baisse. Selon Assuralia, cette augmentation sera progressive et presque invisible. Mais bon, la conclusion, c'est quand même que les assurés vont encore casquer. Plus de 300 000 travailleurs ont bénéficié de bonus salariaux liés aux résultats l'année dernière, soit un salarié sur 12 en Belgique. Les intérêts du système pour l'employeur, c'est que les bonus ne sont pas considérés comme une rémunération. Ils sont donc exemptés de cotisations patronales. Et puis l'intérêt pour le salarié, c'est que le bonus est exonéré d'impôts. Le succès du système est donc indéniable. Les bonus sont quadruplés en 3 ans, au point d'inquiéter la Cour des comptes. qui constate pardon, que le recours croissant à ces formes de primes plombe les rentrées de la sécurité sociale et du fisc. Au quartier Matongué à Bruxelles hier soir, de nouvelles échauffourées ont opposé des manifestants anti-Kabila aux forces de l'ordre. Deux voitures ont été incendiées. Un taxi qui a été surpris par ces violences a fauché une adolescente dans la chaussée d'Ixelles. La victime a été blessée aux jambes, mais ses jours ne sont pas en danger. La police a procédé à 5 arrestations. Et puis je vous rappelle que la publication des résultats de l'élection présidentielle en République démocratique du Congo, déjà fortement sous tension, eh bien la publication des résultats a été reportée à aujourd'hui. Semi-échec cette nuit au sommet européen. Après 12 heures de discussion, les 27 n'ont pas réussi à s'entendre sur la manière d'imposer des règles budgétaires strictes aux pays de la zone euro. La Grande-Bretagne notamment a claqué la porte. Pour finir, seuls 17 membres et 6 pays volontaires se sont mis d'accord pour un renforcement considérable de la discipline budgétaire. Il est 9h04 sur Fun Radio. Passons maintenant à la météo avant de vous envoyer, de vous rembourser vos factures. Pardon. Ça se passe dans quelques instants sur Fun Radio. Le ciel sera partagé entre champs nuageux et éclaircis. Au sud du pays, la pluie est toujours au programme et puis même quelques flocons sur l'Ardenne. Température de 1 à 8 degrés, bah oui, ça caille. Demain, il va faire beau, mais toujours aussi froid et dimanche, un petit peu plus couvert. Très bien, bonne nouvelle. Voilà, il y a plein de messages qui sont arrivés. Notamment un qui est arrivé aussi sur le numéro d'SMS pour le Grand-Duché. Salut Mickaël, je suis content de pouvoir enfin vous joindre finalement depuis le Grand-Duché. Que dois-je faire pour voir la photo de Julie? Oh, tu sais, parfois il vaut mieux rester sur une voie. Oh, dis, c'est horrible. Dis, non, franchement, t'es pas sympa. Oh, ça va. Mais t'es pas sur Internet. Comment ça que je suis pas sur Internet? Bah, on te voit pas sur le site là. On attend des photos de toi pour qu'on puisse le mettre sur mickaël.fm. Bah, mais tu n'en vois pas. Il y en a déjà sur mickaël.fm. Ah bon, je vais aller voir, tiens. Fun Radio. Fun Radio. C'est Fun Radio et le dernier remboursement des factures va se passer dans quelques instants sur Fun Radio, dans 5 minutes pour être précis, même peut-être un petit peu moins. Pour vous inscrire, un seul numéro, 63 22 par SMS. Vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appelle dans quelques instants pour vous les rembourser cash. Comme là, 50,97€ pour Scarlett, c'est le téléphone et la DSL. 55€ pour changer une ampoule de voiture. Ouais, c'est cher quand même. 98€ pour le gaz et l'électricité. 52,90€ pour des jeux vidéo pour la Noël. 39,90€ pour Monster High, je sais pas ce que c'est, mais enfin en tout cas il faut le rembourser. Qu'est-ce qu'il y a également, 59€ pour une carte de crédit. Oh, ça va, petite carte de crédit là pour le coup, hein. Bref, si vous voulez qu'on vous rembourse, 63,22€, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Et puis pour nos amis du Grand-Duché du Luxembourg, c'est le 621 783 605 qu'il faut composer. Bon, passons maintenant à l'info en plus, la dernière info en plus de la semaine avec Julie, encore une fois évidemment. J'ai une super bonne nouvelle pour les paresseux. 3 minutes de sport par semaine, oui seulement 3 minutes, peut prévenir du diabète. Alors les scientifiques de l'université de Basse ont demandé à des volontaires d'effectuer 2 cycles de sprint de 20 secondes sur des vélos d'exercice, donc 2 fois 20 secondes quand même assez intensive, 3 fois par semaine. Et bien après 6 semaines, les chercheurs ont remarqué une amélioration de 28% de leur taux d'insuline. Donc je rappelle que le diabète, c'est le problème qu'on a trop de... le taux de sucre est trop élevé dans le sang. Exact. Et donc l'exercice régulier peut aider à maintenir ce niveau de sucre dans le sang. Donc on dit toujours, il faut faire du sport régulièrement, etc. 30 minutes par jour. Oui, c'est vrai aussi. Mais en tout cas, pour prévenir le diabète, 3 minutes de sport intensif par semaine, ça suffit. Eh ben voilà, le fait que je monte l'escalier tous les jours à la radio, ça suffit amplement. J'ai dit intensive. J'ai pas dit te balader dans les escaliers. Mais par rapport à ce que je fais d'habitude, c'est intensif. Oui, ça c'est vrai. Non mais, il faut le dire. Bon, retour de l'info tout à l'heure à 10h. Ce sera avec Lucas et avec Julie, bien évidemment. Et puis, message qui dit, salut Mickaël, c'est quoi cette histoire de chaussures Nike pourries que tu portes? C'est Bose qui avait envoyé le message. Mais non, mais c'est pas ça. C'est juste que pendant les vacances, j'ai effectivement reçu des chaussures Nike avec en direct des trucs pour marcher sur la lune. C'est hyper confortable. Et effectivement, Vince, à la fin des vacances, m'avait vu avec ça. Il avait trouvé ça moche. C'est son droit, certes. Et donc, du coup, bah, depuis, il me vanne avec ça. Sauf que ça fait des mois que je les mets plus. Et donc, voilà. Donc, le seul truc qu'il arrive à trouver pour me vanner, c'est ça. Mais voilà. Ça lui fasse plaisir s'il n'a que ça pour me vanner. Hein. Je suis un gentleman, moi. Je ne le vannerai pas, car Dieu sait que j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je ne le vannerai pas. Mais si vous voulez lui transmettre toutes ces informations, n'hésitez pas à la libre antenne. C'est tous les soirs du dimanche au jeudi entre 20h et minuit sur Fun Radio. En tout cas, quoi qu'il en soit, on l'attendait ce matin. Il devait venir, il a encore fait tout son cinéma. Il est là. Ah bon ? Bah, je sais pas où, hein. Ah non. Ah ouais, voilà. Ah non, donc il a encore là, fait tout son cinéma hier soir. Oui, on va venir dans le morning, et on va foutre la merde, et on va faire ci, on va faire ça. Et comme vous pouvez le remarquer, que de la gueule. Voilà, petit zizi, hein. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Faut lui transmettre. pas de problème. 9h08 sur Fun Radio, bon réveil. C'est Laurent Wery qu'on écoute maintenant avec Hey Hey Hey sur Fun. Et juste après, on rembourse les factures. 6322 code facture. Bonne chance, ça tombera peut-être chez vous. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Exact, tous les matins on vous appelle, on vous rembourse vos factures sur Fun Radio. Un jeu d'enfant, ouais, oui, vous envoyez simplement facture au 6322 avec le montant et l'objet de la facture, tout simplement. Tiens, message qui est arrivé, Mika. Tes pompes Nike, elles craignent à mort. Tes Nike, elles puent. Signé un fan de Fun qui a écouté dédicace à la tribu. Ouais, ouais, non, mais vous inquiétez pas. Vous avez entendu ça hier soir chez Vince. Mais c'est pas grave. Comme je le dis, il n'a que ça pour me vanner. Bon, bah, qu'il le fasse. Qu'un grand bien lui fasse, j'ai envie de dire. Voilà. C'est juste que ces chaussures-là, je les ai mises quelques fois parce que de un, je les ai reçues et qu'elles sont confortables. Hein, et puis après, voilà, je les mets plus. Mais bon, il continue à imaginer. Peut-être qu'il en rêve hein, que je les mets encore. Mais oui. Peut-être qu'il kiffe. C'est peut-être un fantasme pour lui. Je ne sais pas. Voilà. Enfin, bon. Vous pouvez lui transmettre le message dans l'autre sens. Alors, hein. Ah, il a des fantasmes chelous, oui. Vous pouvez lui transmettre le message dans l'autre sens, évidemment, la libre antenne de Vin. C'est tous les soirs de dimanche à jeudi entre 20h et minuit. Et il sera là d'ailleurs ce soir dans Keep It Real avec notamment DJ Man qui est là. Allez, c'est parti, on appelle maintenant pour rembourser une facture. Quelqu'un qui s'est inscrit au 6322 ou avec le code facture ou alors avec le numéro luxembourgeois, le 621-783-605. Allez hop, c'est parti, on y va, on appelle. Il y a un message qui dit facture de 50 euros pour des nouvelles Nike pour Mika. Merde, j'aurais dû prendre celui-là, tiens. Oh. Ah, il est arrivé trop tard, c'est dommage. En plus, ça décroche pas là, c'est con ou quoi. Oh, ça, c'est. Oh, ça, c'est dommage. Elodie. Oh, Elodie. Oh, Elodie. Ah, il est net Nederland, tiens. C'était un petit peu dans le compliqué pour que je puisse le laisser dans le message dans le flamand. Hein, c'est. Oui, voilà. Oui, il y a bonsoir. Je vais laisser parler mon ami de l'Anvers pour lui dire qu'elle a perdu, Maître Peters. Il y a Elodie, elle s'appelle. Ah oui, voilà. C'était le répondeur machine. Hein. Ah oui, oui, oui, oui. Voilà, madame de Elodie, je suis dans le regret de t'annoncer que tu as perdu la facture de toi que normalement tu as dû te faire dans le remboursage. Comment? Enfin, bon, elle a perdu quoi? Oui, ah. Voilà. D'accord, oui, okay. C'est ça que je veux le dire. Oui, très bien, Maître Peters. Bah, oui, Lob. Non, vous entendez mal, Lob. On dirait que Maître Peters pourrait faire de la télé-réalité. Oui, c'est vrai. Non, je peux du pas. Ah, mais non, mais dites avocat, c'est vrai, c'est normal. Bon, et eh ben désolé, Elodie, en tout cas, tu retentes ta chance quand tu veux. En tout cas, je te fais des gros bisous, passe un bon week-end et tu reviens quand tu veux. Bon, bah, déception totale d'avoir cet échec. Dernier de la semaine en plus, là. Tout s'est bien passé hier, tout s'est bien passé ce matin, et bah là, le dernier, et là, c'est un le échec. Drame. Bah, ça arrive, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Bon, et eh ben on remet le couvert dès lundi à partir de 6h sur Fun Radio. Dans un instant, l'horoscope. On parlera également d'une nouvelle télé-réalité qui déchire tout, là. Et puis, on va écouter un peu de son maintenant. C'est Rio et Eugene sur Fun Radio. Turn this club around. Il est 9h13. Bon réveil, bon week-end pour ceux qui sont déjà en week-end et bonne fin de semaine pour ceux qui taffent. C'est Fun Radio. Dans un instant, Mister You et le Colonel Rayel encore avec Métoiles qui arrive. Le son dance floor de Likili aussi, probablement en prévision avant l'arrivée de Lucas. Lucas et le self, la dernière de la semaine, jusqu'à 13h. On aura l'occasion de vous en reparler évidemment. Et message qui dit faut pas chercher. Vince de la Libre Antenne est jaloux. Tu as trop de succès comparé à lui. Ouais. Non, non, non, non. C'est vrai. D'ailleurs, regardez là, je fais un sourire et je ping. Il y a une petite étoile comme ça sur voilà, les dents. On a été ébloui dans mais le studio. Mais oui, c'est ébloui. Il faut mettre des lunettes de soleil. Bon, message qui dit Mickaël, hier soir j'étais dans un Night and Days pour acheter des préventes pour la fameuse soirée du 17, l'anniversaire de Fun, et apparemment Fun ne les a pas avertis, c'est pas pro. Ah bon, bah écoute, je suis pas au courant, mais si tu veux plus d'infos, tu vas sur funradio.be et toutes les infos seront dessus. Mais merci pour le message, je vais me renseigner. Si vous êtes une fille, vous pouvez m'acheter les préventes en nature. Oui, c'est ça, merci, Yataf. Bon, et puis je vous rappelle qu'il y a toujours la petite invitée mystère là, à découvrir. Mais bien souvent, les soirs d'hiver. Eh oui, quelle est l'invitée mystère? D'ailleurs, je viens de mettre à V3 à l'instant, là, et on est en plein dedans, là. On est en plein dans la série. Tout le monde va mettre à V3. Ouais. Ça leur fera un pigonnet, on sait bien. Voilà, si vous avez la réponse, quel est l'artiste que nous cherchons? Enfin, l'artiste, je mets un A, pas forcément majuscule, mais bon. Voilà, si vous avez la bonne réponse, il y a des billets d'avion à gagner pour la dernière fois aujourd'hui, donc profitez-en bien, là. 63-22 avec la bonne réponse et c'est peut-être gagné pour vous. Fun Radio. L'horoscope. Je propose juste qu'on ait une petite pensée pour Elodie qui vient de sortir des toilettes. Qui vient de sortir des toilettes. Oui, et qui a perdu sa facture. Ah, c'est Elodie qui... Oh, merde. Ah bah oui, c'est celle qu'on a appelée qui n'a pas décroché parce qu'elle était sur le trône. Je voulais juste qu'on ait une petite pensée pour bon, elle. Bon bah, gros bisous Elodie, et puis je suis désolé pour toi. Hein. Je suis vraiment désolé pour toi. Bon, allez, Dodo qui est là. Oui, avec je suis là, je suis là. Si, vous aviez des, si vous gagnez un billet d'avion, vous iriez où? En Europe, Dodo. Ah, si vous ne retournez pas en... dans vos îles. Hein. Ah d'accord, si je peux aller en Europe, bah, je crois que j'irai quand même quelque part où c'est chaud. Hein. Vers la Finlande, tout ça, c'est sympa là-bas. La Finlande, c'est chaud. Hein. Oui, non, je crois que je vais plutôt aller vers la Grèce, la Turquie, par là. Oui, oui. Ah ouais, bon, d'accord. Okay. Ouais, peut-être le Maroc. Enfin, aussi. La Turquie, c'est pas vraiment l'Europe. Hein. Enfin, c'est pas l'Europe tout court. Hein. Oui, le Maroc non plus, mais c'est à côté. Oui, c'est à côté, effectivement. C'est une manière de voir les choses. Bon, allez, les béliers, Doudou. Alors, grâce à votre bonne organisation, vous défendez votre point de vue avec élan et habilité. Les taureaux. Soyez vigilants, vous êtes sujet au stress et vous êtes très nerveux en ce moment. Les gémeaux. Les gémeaux. Oui, les gémeaux. Poursuivez votre chemin avec détermination et surtout ne vous orientez plus autant aux conceptions des autres. Très bien, les cancers. Ayez confiance en vous et surtout en votre expérience. Les lions. Aujourd'hui, ne faites pas des folies professionnelles. Vous risquez de vous brûler les doigts. Les vierges. Ne jouez pas avec les sentiments. Ce n'est pas bien. Non, c'est mal. C'est très mal. Les balances. Des mauvaises langues essayent de jeter le discrédit sur vous. Alors, soyez plus vigilants sur le plan professionnel. Les scorpions. Profitez de cette journée harmonieuse. Les sagittaires. Le soutien de votre famille et de vos amis vous aide à trouver votre paix intérieure. Très bien. Les capricornes. Concentrez-vous sur vos tâches et réglez-les consciencieusement avant le week-end. Les Verseaux. Professionnellement, vous êtes souple et créatif et vous serez mis à l'épreuve au travers de challenges inattendus. Et enfin, les poissons. Vous pensez trop négativement, alors courage, ne vous cassez pas la tête avec des choses qui n'existent pas. Très bien, merci Doudou, passez un bon week-end. Hein. Ah oui, un bon week-end, ah, allez, dormez bien. Là, je m'en vais. Faites voilà. Attention, la semaine prochaine, chute des températures. Hein. Oh là là là là, mais ça et veut dire combien, chute des températures? Ça veut dire chute des températures. Oh là là, ça m'a fait peur. C'est une surprise. Oui, c'est ça, c'est la surprise, ce sera le petit cadeau en plus. Oh là là là. Allez, bon là week-end là. De Doudou. Hein. Oui, bon week-end. Allez, au revoir. Dans un instant, la réponse à notre invité mystère, on parlera d'une nouvelle télé-réalité qui risque de bien déchirer. Rassurez-vous, la Belgique est comme d'habitude bien représentée. Et on écoute maintenant le son du... Colonel Wayne. Voilà, c'est Mets-toi à l'aise maintenant sur Fun Radio. Il est 9h20, bonne matinée, bon week-end. Il est 9h23 sur Fun Radio, bon réveil. Bah pour ceux qui se lèvent, hein, même si normalement en théorie la majorité des gens sont déjà réveillés. Bon boulot plutôt, comment allonge... Non, je dis c'est vendredi, il y en a peut-être qui allonge le week-end. Ouais, ouais, non, bah peut-être, ouais, qui débute le week-end un peu en avance. En tout cas, bon week-end si jamais vous êtes déjà en week-end, on sait jamais, hein. Il y en a qui prennent des week-ends un petit peu plus rapidement que les autres. Je vous rappelle qu'il y a dans quelques instants, eh bien... Des billets d'avion à gagner, tout simplement. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Message qui dit deux colonels réels en une seule émission. Merci de gâcher ma journée, Mickaël. Sniff, on t'a fait quoi pour que tu nous punisses? Big up, Mirko. Mais c'est pas moi qui fais la prog, Mirko. Hein. Tu dois envoyer un message à Monsieur Moon. Hein. Monsieur Moon, Lucas. Voilà, tu peux les insulter tous les deux si tu veux. C'est eux qui s'occupent de la programmation de Fun. Donc voilà, après, tu gères avec eux. Bon, avant de filer les billets d'avion, les derniers, ce matin, il faut que je vous parle d'une nouvelle télé-réalité qui va bientôt débarquer en Belgique. Et qui son set, ils sont au paradis et leur vie va basculer à tout jamais. Exactement. Tu ils dire, ont pris Julie le même présentateur que pour L'Amour est aveugle. Non, non, non. Attends, il a plus de patates lui. Hein. Oh. Il est au taquet lui. Hein. Tu rigoles par rapport à l'autre. C'est qui Je ne sais pas. C'est qui je ne sais pas. Ce n'est pas mon ami. Non, pas bon, d'accord, on ne connaît pas. On s'en renseignera. Voilà, on s'en renseignera, exactement. Je ne connais pas toutes les voix off de la télé. Je vous fais le résumé. Donc, c'est trois garçons, quatre filles qui sont venus en théorie pour participer à des actions de bénévolat sur une île de la Polynésie. Enfin, sur une île de Polynésie, en fait. Ce qui est déjà pas mal. Tu vois, ça évite quand même les îles un peu pourries qu'il y a, tu vois. Non, mais t'as remarqué l'île de Ré, par exemple, ouais, ou des trucs comme ça. Non, l'île de Ré, attends, ça va, l'île de Ré. Enfin, par rapport à la Polynésie, tout de même. Oui, bon, non, c'est vrai. Moi, je pense que ceux qui font Secret Story doivent être déçus quand même, hein, parce que tu vois, ils sont fermés à Paris. Alors que toutes les autres télé-réalités, maintenant, ils vont partout dans le monde. Ouais, ouais, c'est vrai. Que ouais. Des destinations de ouf. C'est clair, c'est clair. Bon, enfin, en tout cas, ils vont vite comprendre que cette île des vérités va les mettre face à leurs blessures du passé. En fait, c'est des candidats qui. De quoi ? Tout un programme. Ah ouais, les candidats vont, en fait. Dans les candidats, on va revoir Florent, par exemple, de Qui veut épouser mon fils, la première édition. Il y a aussi Mehdi de Pékin Express. Mais comme dans toute bonne télé-réalité, il y a évidemment une Belge qui est donc une fois qui nous représente, hein, une fois. Parce qu'à mon avis, il est jaloux qui part et que c'est pas lui qui part. Voilà. Donc là, forcément, il y a déjà quelques petits problèmes à ce niveau-là, évidemment. Hein. Et comme toujours, on va encore avoir une bonne image de la Belgique. Hein. On va prendre la vie de Mehdi, par exemple, hein, qui ne pense que du bien d'Ornella. Mehdi, c'est celui qui était dans Pékin Express. Ornella, c'est la Belgique ouverte à toutes les frontières, les Schengen, Shanghai. Au Wehr, au plein chat. C'est une belle salope, elle m'a fait un coup qu'on m'a pas fait. Ah oui, mais dis, il est triste parce qu'on lui a fait un sale coup, donc du coup, forcément, bah, il gueule sur tout le monde. Hein. Bah, qu'est-ce que tu veux. Et ouais. A priori, Lub est d'accord avec lui. Ouais, bah c'est oui, ça. Je suis d'accord avec lui. Mais ouais. Et bon, sûr. Et comme dans toute bonne émission du genre, évidemment, on aura de la comédie de l'art. S'il te plaît, peux-tu fermer la porte et fermer la porte. S'il te plaît, je m'énerve. Oh, je te jure, je m'énerve. S'il te plaît, je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. Je viens hystérique, ok, arrête. Eh oui, je m'énerve, je m'énerve, je m'énerve. On sent ce talent, hein, les mecs qui font du théâtre, donc à bien se tenir. C'est dur quand même. C'est vrai quand même. C'est très dur. Bon, et puis forcément, on aura aussi un cours de français gratuit. On commence par une petite expression française. Alors, Julie, on dit le loup est dans la bergerie. Eh bien, pas du tout. Et passer la nuit dès que les loups sont rentrés dans la nurserie. Eh oui. Ah oui, bien sûr. Eh oui, et dans cette grande télé-réalité, les loups sont dans la nurserie. Hein, oui. Donc je pense qu'on va bien se marrer, hein. Bah écoute, oui, non, sûr. Les loups dans la nurserie, moi je trouve que c'est pas mal. Ah oui, et donc selon mes indices du Ciné Télé Revue, ça devrait commencer dans pas longtemps sur Plug RTL. Hein, mais on vous en reparlera évidemment. Ne vous inquiétez pas. Allez, dans un instant, c'est Lucas qui va débarquer sur Fun Radio avec le sel. Vous ferez la prog avec lui comme chaque matin évidemment. Si vous voulez d'ailleurs la faire dès maintenant, vous nous envoyez votre petit message au 3044 en débutant le message par self avec votre proposition ou alors en directement sur le Twitter de Fun Radio ou sur le Facebook. Vous tapez tout simplement Fun Radio pour nous rejoindre. Et avant ça, nous avons Alice qui est avec nous. Bonjour Alice. Bonjour. Comment va Alice? Elle va très bien, Alice. Ça va, elle revient du Pays des Merveilles. Mais oui, tout à fait, merci pour cette vanne. C'est très nul. Alors Alice, tu es dans quelle ville? J'habite Sarre, dans la commune de Jalès. Très bien. Alors attention, Alice, tu as la réponse à notre invité mystère. Il est en pleine forme aujourd'hui. Quel est cet invité mystère? On la réécoute. C'est l'invité mystère qui me donne la pêche. Ah oui. Voilà. Quel est l'invité mystère du coup, Alice? Hélène. Eh oui, Hélène Rose, donc de Hélène et les garçons évidemment, qui revient et qui refait de la musique et c'est dramatique. En tout cas, merci à toi Alice d'avoir donné la bonne réponse. Tu repars donc comme promis avec 2 billets d'avion pour aller où tu veux en Europe. Merci beaucoup. Eh ben, je t'en prie. T'aimerais aller où comme ça? Bon, je sais pas du tout où est-ce qu'il va y avoir comme destination bien précise, mais en gros, t'aimerais bien aller où? J'ai pas encore vraiment d'idée. Et comme c'est l'anniversaire de mon mari dans 2 jours, ben, je le laisserai. Oh, allez hop là, encore un cadeau pas cher, tiens. Ça y est, c'est parti. Eh bah ben, écoute, nickel. Hein, ce que je peux te proposer, c'est des endroits très sympas. Riga en Lituanie. Oui, mais il n'y a que toi pour aller là. En Lettonie, oui, j'ai dit Lituanie. Non, Lettonie, bien sûr. Ouais. Ouais. Non, c'est Lituanie, hein. Riga. Ouais. Ouais, quand on ne connaît pas ces pays-là, on n'en parle pas en fait. Hein. Mais non, mais j'ai réservé mon billet, mais par contre, je suis pas sûr de l'endroit. Je sais que je vais à Riga, non, mais c'est. Tu vas à Riga? Qu'est-ce que tu vas faire à Riga? Je sais pas, c'était pas cher, alors je suis allé là-bas. Ah ok. Oh, je suis okay, à 5 non, euros, je vais pas pleurer. Hein. C'est un bon concept. Bah voilà. Ouais. Bon, Alice, en tout cas, je te fais des gros bisous. Merci beaucoup. Et tu reviens quand tu veux, à bientôt. Ciao à vous. Merci, enfin, ciao à toi journée. Plutôt. Au revoir. Non, et puis Riga, c'est bien au mois de fin c'est décembre en Lettonie, comme ça. Hein, Riga. C'est Lettonie. Ouais. Ah bon, bah très bien. Tu savais même pas où tu allais, mais tu vas en Lettonie. Mais non, mais je confonds les deux, ils sont l'un au-dessus de l'autre. Oui, c'est vrai qu'on les confond tous. Ouais. T'as vérifié que t'avais tes papiers, tes vaccins et tout pour aller là-bas? Mais c'est bon, c'est l'Europe. Hein. ça va. Bah, par contre, je me suis dit que j'étais bien, tu vois, comme il fait un peu jusqu'à moins 30 en décembre. Je me suis dit que c'est sympa. Ça fait plaisir, ouais. Tu vas chercher le soleil là. Ouh, ah ouais, là, j'ai cherché le soleil. Il fait que moins 30. Ouais, ma force est déjà pas mal quand même. Ah ouais, moi j'étais à Stockholm, il faisait moins 60. Hein. Ah ouais, c'est ça, ouais. Bon, allez, 9h29, bon réveil, oui, et puis bon week-end surtout, hein, dans un instant. Donc c'est Lucas, comme promis. Il y aura Jasmine à partir de 13h pour Pure Dance Floor. Il y aura ensuite évidemment Evan et toute la tribu. Et puis ne ratez pas Keep It Real. C'est avec Vince et DJ Man, entre autres, bien sûr. Et puis l'Invasion Latina, les meilleurs sont latinos sur Fun Radio avec Manu pendant 1h de minuit à 1h du mat. Bon week-end à Lob et bon week-end à Toff et puis bon week-end également à Julie. Hein. Bon week-end à tous. Et puis bon cinéma ce soir. Merci. Bon, on va bien se marrer dans le self tout à l'heure. Tiens, oulala. Oh là là, Lucas qui nous a ramené du lourd là. Oh là là, une compile Dance Door 97. Ouh, ouh. Oh, mais on va se marrer, hein, moi je vous le dis. Hein. Oh là là, avec Robert Miles, Los Del Rio et la Macarena. Moi j'ai mieux, c'est les bons classiques. Ah ouais. Il nous a ramené Ophélie Winter. Ah, très bien. Oh, c'est bon ça. Restez là, voilà. Lucas a des gros dossiers. Ah oui. Worlds Apart avec Je te donne. Ah ben bah on est au top du top là. Oh, c'est bon ça. Top du top. Oh là là. Théo avec Je ne peux vivre sans elle. C'est pas mal, c'est pas mal. Du lourd ce matin. Lucas, tu viens de baisser dans mon estime. Allez, bon week-end tout le monde. On se retrouve demain pour le replay 7h-10h samedi et dimanche et puis en direct dès 6h dès lundi. Ciao tout le monde. Il vous manque déjà. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio. Allô.